À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et donc, bah, je me suis déguisé, enfin, je me suis mis un casque de motard. J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moi. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h, on est en direct, une nouvelle formule pour Faut se le dire ce soir, avec, on garde un petit peu ce qu'on avait avant, mais on a rajouté de nouvelles choses comme beaucoup d'actualités et du débat. Nous avons autour de la table Guillaume Panetier, journaliste, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Comment ça va? Eh bien très bien, on fera le petit débrief de la semaine de l'actualité toulousaine justement, dans le courant de l'émission. Parfait, Clément Pêche aussi qui est à ma gauche. Comment ça va, Clément? Bah ça va bien. Ça va? Je t'ai pas vu aujourd'hui. Ah non? T'étais où? J'étais ailleurs. Bah d'accord, très bien. Pierre-Nicolas, ça va pas? Alors moi ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Je suis malade. J'ai une rhinopharyngite. Ouais, du diable. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que depuis une minute ou deux, puisqu'on est installé là, vous l'avez tous aussi. Mon médecin vient de m'appeler. Il m'a dit que c'était viral. Il est sûr de son coup, c'est viral. C'est, sympa, c'est pas une allergie, c'est voilà, c'est viral. Eh bien, merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Si je peux rendre service. Cédric Rousseau à la réalisation aussi qui prend le micro quand il veut. Voilà. Non, si je commence à prendre le micro quand je veux, pendant 2 heures, on ne va plus vous entendre, il n'y a que moi qui vais parler. Ah merde. Bon, et ben quand il peut. Merci beaucoup Cédric, et Anaël Gérard arrivera sûrement en cours d'émission pour être à la technique avec toi et aussi pour... Non, il ne vient pas. Anaël, tu nous écoutes, t'es viré. C'est moi qui prends la technique. Pour nous faire le vrai faux de l'actualité. Il y aura les unes de la semaine, la playlist de Pierre-Nicolas, les insolites de l'actu, le Gorafi Pagorafi, les actus donc, de la semaine avec Guillaume Panetier, le coup de gueule, j'ai un coup de gueule parce qu'en ce moment, il y a toutes nos institutions qui sont un petit peu en train de se péter la gueule, pompiers, policiers, médecins, et on aura justement pendant l'émission le collectif, je vais essayer de le retrouver sous les yeux, je l'ai perdu. Interurgence, donc ça sera Isabelle Prono et Julie Tirello, voilà, c'est les noms que je cherchais aussi, qui sont aides-soignantes et infirmières et qui viendront nous parler de ce qu'il se passe. On parlera rugby, santé rugby avec Clément. Oui. On parlera de la santé des rugbymen. Ça tombe bien, on est en pleine Coupe du Monde. Voilà, exactement, en pleine Coupe du Monde de rugby, puisque Guillaume avait d'ailleurs soulevé le sujet. Le conducteur, j'ai dit, on va faire le petit lien. Voilà. Il y aura un lien. Super. Il y aura aussi un lien rugby avec notre invité Pascal Dessin, qui est auteur et qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. C'est vu il n'y a pas très longtemps, vous étiez venu chez Christian Moreto. Et oui, je deviens habitué de l'Occitanie. Voilà. Attention, Pierre, comme disait Cédric tout à l'heure, Pierre il est venu une fois, mais du coup... Oui, je suis venu une fois, après ils m'ont gardé comme chroniqueur, comme à tout faire. C'est des conneries. On parlera musique parce qu'ils ont un nouveau clip, Red Dust, voilà, ils sont avec nous, donc deux, Billy et Nico, bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, impeccable. Ouais, il y a des nouveautés. On répond chacun de son tour, c'est ça? Vas-y, tu commences et je commence juste en même temps que toi. Ça marche. Voilà, vous disiez beaucoup sur les réseaux sociaux, le clip sort tout à l'heure. Donc, Le clip sort à minuit tout à l'heure, ouais. À minuit, voilà. Officiellement. On le ratera pas. On en parlera. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On va se faire un petit jingle. Jingle. Jingle. Un petit. Qui passe ça. Non mais faut le temps, je m'habitue à ton truc aussi en même temps, tu mets des trucs modernes. Ouais. Moi mon garçon, je suis vieux, donc voilà, jingle. L'époque non. Des platines et de la bande et les ciseaux. Voilà, il y a marqué Musfond. Allez Musfond, c'est pas un jingle. Allez, tout de suite, Musfond. A participé et a collaboré. C'est pas ça du tout. Ça fait des trucs bizarres, hein, ton truc. Là, c'était Farid. Voilà. Alors. Voilà. Mais c'est un sketch que vous avez préparé. C'est pas grave. C'est la réalité. Parce qu'on sait plus, là. C'est pas grave. On passe à la suite. Et donc, avec Red Dust qui sont là, parce qu'ils pourront pas rester jusqu'au bout. Donc, voilà. Nouveau clip, nouveau titre. Racontez-nous un petit peu tout ça. Mais en fait, il s'est passé énormément de choses entre notre premier passage ici et maintenant. Et enfin voilà, on a eu beaucoup de dates, beaucoup de choses. Et oui, on a. Vas-y, je continue parce que je m'emmêle les pinceaux tout seul. On a tourné un clip donc cet été, mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on était venu. C'était déjà en préparation en même temps que l'EP. Et là, tout se concrétise, tout devient matière, puisque le clip sort ce soir à minuit pile et qu'il nous tarde d'avoir vos impressions parce qu'on y a beaucoup donné. Et l'EP, on fait notre concert de sortie officielle de l'EP samedi à Muret, samedi donc 5 octobre, au théâtre municipal de Muret sur un show d'un peu plus d'une heure et demie, avec en première partie les Six Months Later, qui sont le coup de cœur d'un tremplin auquel on a participé et dont on est les lauréats, le tremplin de Muret en avril dernier. Et voilà, en gros, grosso merdo pour l'actu, mais ça nous est plaisir de venir partager un petit peu avec vous et avec l'Audimat la sortie officielle de notre tout premier EP sur le titre Back on the Wild Soul, qui est aussi d'ailleurs le titre de notre EP. Qu'on découvrira ce soir. Vous l'avez tourné où ? Parce que j'ai vu la photo, on dirait un désert. Et ouais, alors on est allé dans le désert de Gobi d'abord, mais c'était pas terrible. On avait pour idée à la base de le tourner dans le désert des Bardenas en Espagne. Ouais. Et en fait, on a trouvé un moyen beaucoup moins coûteux et beaucoup moins loin. Un lieu plutôt, c'est à Montalbal-Château, c'est ça ? Ouais, c'est dans le château. Ouais. C'est dans les Pyrénées-Orientales, ouais. Exactement. Et du coup, on est allé fouiner un peu dans les sentiers à travers les montagnes, et on a trouvé un endroit qui était un peu l'endroit clé pour pouvoir faire ce qu'on avait nous en tête visuellement, enfin en tout cas des certains effets visuels par rapport à l'architecture du morceau. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on cherchait ce côté désertique et ce côté aride qu'on a réussi à trouver là sans aller jusqu'en Espagne ou jusqu'aux États-Unis dans le Nevada, ce qui aurait été génial aussi, hein, mais pour l'instant on a commencé avec la proximité. Bon, vous savez quoi, le mieux c'est qu'on le regarde ensemble. C'est qu'on le regarde ensemble, ouais. On va en écouter. Ça va être pratique à la radio. Moi j'ai juste une question, oui, du coup ils ont retrouvé les corps ou pas? Des musiciens qui allaient pas, ouais, il y a déjà, ben on a retrouvé le deuxième batteur de Led Zepp qui a essayé de tourner un clip là-bas tout seul, mais finalement on a retrouvé que ses ossements avec 2-3 vautours autour. Merci pour cette intervention. Allez, on écoute. Si vous voulez voir la suite, c'est simple. Ce soir, vous branchez sur votre page Facebook. Sur Facebook, YouTube, ouais. Voilà, Instagram. Vous branchez et vous écoutez. Oui, Pierre. Pascal Dessin se demande où il est tombé. Ça, j'ai rarement vu un disque interrompu au bout de 8 secondes, à peu près. Attends l'interview tout à l'heure. Ça va être beau. Dès que tu commences à répondre, là, terminé. Pour inciter les musiciens à rentrer dans un certain format et pas faire des intros d'une minute trente, quoi. Ouais, voilà. C'est dommage, parce que souvent, l'intro, c'est quand même, il y a à côté des mecs qui se cassent quand même le cul, en général, pour faire l'intro. Ouais, si vous venez à notre live, d'ailleurs, vous allez en voir quelques-unes qui sont sympas, des intros. Et voilà, donc le live à ne pas manquer ce soir à 20h. Alors la sortie du clip c'est à minuit ce soir, le live c'est samedi à 20h à Muret au théâtre municipal de Muret. D'accord, c'est bon, on va y arriver. merci beaucoup. Et ça parle de quoi ce titre ? Ce titre raconte pardon. On est tous un peu morts de rire. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, le titre parle. Il y a quelque chose d'un peu intime dans le texte, puisque c'est une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans en plein été. Comment dire, le simple fait d'autoriser quelqu'un à prendre sa liberté malgré la tristesse qu'on peut en éprouver quand on est en amour, mais que les chemins ont besoin d'être séparés par curiosité des espaces. Mais tu t'es fait plaquer, quoi. Ben non, justement. Ah bon, c'est toi qui as plaqué. Non plus. Ah bon. Ça parle de l'envie d'aller voir ailleurs. D'accord. Voir ailleurs, pas voir d'autres hommes, mais d'aller voir ailleurs dans l'espace. Et du choix d'accepter ça, malgré la tristesse que ça peut provoquer. Mais finalement, elle n'est pas partie. Peut-être parce que j'ai accepté. qu'elle puisse le faire. Et donc, sinon, ils ont retrouvé le corps ou pas? Faites le taire. On va retrouver le tien bientôt, je crois. on ne le saura jamais. Merci beaucoup. Et vous restez le temps que vous voulez rester. Il n'y a aucun souci avec nous. Un petit peu musique de fond. Cédric, s'il te plaît, merci. 18h, 20h, c'est faux se le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et on est ensemble jusqu'à 20h. C'est bon, normalement il y a un petit souci technique qui vient d'être réparé. Mon micro marchait très très très mal. On vient de s'écouter Laurie Darmon, fille de Gérard. Tout le monde chante aujourd'hui. Ouais. Je disais à Pascal, tout le monde écrit aussi de nos jours. Plus personne ne lit, mais tout le monde écrit. Ouais. C'est vrai. Ah bah en période bah, de rentrée. Bien, c'est bien ce qu'elle fait. Si tu le dis. Oh, bon, moi j'aime bien. Et ben voilà, c'était Laurie Darmon, si elle nous écoute. Allez, on a un invité, Pascal Dessin, qui est là. Pierre, vous avez la parole. Oui, c'est Jean-Mimi, Jean-Michel Blanquer, qui va être content. Enfin, un invité intello compatible dans l'émission, faut se le dire. Pascal Dessin, écrivain de son état, auteur de 27 livres, récompensé 2 fois par le prix du mystère de la critique, prix de littérature policière, prix du roman noir français, prix Nobel de littérature à Goethe. Non, là, je m'emballe un peu. Il a aussi décroché le prix Sang d'encre. Ah, monsieur Kevassa, ça nous change un peu des profs de Krav Maga et des militants du recyclage du vélo électrique. Alors, je sais pas vous. J'embrasse David. Oui. Je sais pas vous, mais moi, j'adore la lecture. Et là, normalement, on s'attend à ce que je balance une grosse connerie. Genre, j'adore lire les articles de Morandini ou l'annuaire de la Haute-Garonne. Eh ben non, tu crois la mouche qui pète ? J'aime vraiment lire. J'aime trouver un auteur qui me passionne, un auteur qui m'amuse, un auteur qui m'étonne. J'aime ce rencard avec la page abandonnée la veille. C'est comme un rendez-vous avec le bonheur. Et Pascal Dessin nous donne tout cela. Il est apprécié des intellectuels, c'est normal, car il a vécu, il est classé comme Gide, Sartre ou Malraux, rive gauche, mais pas rive gauche à Paris, non. Rive gauche du canal de Bourbourg. Alors là, normalement, tout le monde se dit de quoi il parle. Bah, c'est à Dunkerque, c'est un canal à Dunkerque, car oui, notre invité est né dans cette ville étrange où chaque année, lors du carnaval, les gens se balancent des harengs sur la tronche. Ceux qui en réchappent peuvent alors se présenter au concours mondial du cri du goéland. On ne regrette jamais son voyage à Dunkerque. Pascal Dessin a eu une scolarité difficile, on imagine les copains en 6e. Et Dessin, tu nous montres le 3e à la crise. Alors Pascal Dessin... On m'a fait pire. Hein. Oui, avec les initiales peut-être. Ah bah voilà. Alors Pascal Dessin a donc une plume, mais il a aussi une gueule et un physique de costaud, vaut mieux s'en méfier, pas du genre à se coller un pot de gel capillaire sur la tête quand on l'invite à la télé. Il a aussi les dents du bonheur, tiens, je l'avais pas écrit mais je l'ai remarqué. Il va d'ailleurs rarement en boîte, en revanche, et on le sait peu, Pascal Dessin est capable de rester des heures à l'affût sous la pluie et le vent pour observer une bécassine démarrée ou un tas d'ornes de belon. Je les ai cherchés ces deux-là. S'il n'avait pas été écrivain, Pascal Dessin serait devenu ornithologue, d'où d'ailleurs la filiation évidente avec la plume. C'est bien la preuve, et ce sera ma conclusion provisoire, Pascal Dessin est un drôle d'oiseau. Eh ben, merci, bravo Pierre. Bravo, moi j'applaudis Pierre. Ouais. Il est bon. Merci, je vais applaudir aussi. Je vais applaudir aussi. Et il y a beaucoup de choses vraies. Oui, c'est beaucoup. Voilà, on peut faire le tour si vous voulez. Allons-y. C'est le portrait sans doute le plus insolite que j'ai entendu de moi. Merci. Ça fait du bien parce que souvent on revient, bon, effectivement. Moi j'allais dire écrivain, né le 10 juillet 64. Ah, de la précision alors là. On peut ajouter que je vis à Toulouse depuis quand même maintenant 35 ans, genre. J'en reviens toujours pas. Je suis arrivé à Toulouse en 84, ouais. et j'ai pas vu le temps passer. C'est vertigineux. Qu'est-ce qui vous a plu à Toulouse ? Bah, au début, ça me plaisait pas trop, en fait. Ouais. Et puis je me suis intégré. J'étais étudiant. Je suis venu ici par amour d'une femme. Et puis ça m'a déraciné parce que moi, mon pays, c'était le Nord. Et les nordistes ont quand même, malgré beaucoup de choses, malgré la pollution, les usines, le temps, etc., ils ont du mal à quitter leur pays. Et donc, il y a eu comme un choc culturel, mais vraiment profond. J'en ai fait une dépression, grâce à quoi j'ai été réformé de l'armée, d'ailleurs. Ah. Alors, au début, je ne m'attendais pas à rester à Toulouse. Et puis, un jour, j'étais justement très déprimé. J'étais à l'université du Mirail. Et j'ai vu que Radio Campus, ici... chercher un animateur radio. Alors j'ai fait toc toc, j'avais un accent du Nord à découpé au couteau. C'était horrible. Oh là là. T'as un accent de schnorr. J'avais un accent flamand, flamme. C'est pire que l'accent ch'ti encore. Et donc j'ai fait une tentative d'émission littéraire, bien évidemment. Et puis sortant de là, je me suis aperçu que j'avais une voix épouvantable. Alors je me suis soigné. Mais j'ai fait pendant 10 ans de l'animation radio à Campus et puis à Radio Mon Pays. Là, c'est comme ça que je suis devenu Toulousain, grâce à la radio associative. Ouais, ça aide bien. Oui, c'est une belle école, je trouve. Et puis, grâce à quoi, j'ai connu des tas de gens, parce que j'ai tenu pendant 2 ans une matinale de 2 heures sur Radio Mon Pays, donc culturelle. Voilà, donc c'était vraiment très, très chouette. Mmh. C'est vrai, le coup du carnaval à Dunkerque qui se termine un grand coup de hareng. Oui, c'est l'heure du gloire pour le carnaval, le hareng. Il balance des harengs sur Oui. Mon fils, cette année, il en a attrapé un. Ce qui lui a donné droit à la photo à la une de la Voix du Nord, d'ailleurs. Et non, c'est le Graal. Enfin, c'est le maire qui... Tous les carnavals le font, mais le carnaval spectaculaire entre tous, c'est le carnaval de Dunkerque où le maire de la commune, du haut du beffroi, jette des harengs à des dizaines de milliers de personnes déguisées, compressées. C'est une épreuve de force que je ne pratique plus à mon âge maintenant, ouais. Parce qu'il y a un temps pour tout, mais c'est un régal. Alors, Pierre a évoqué le concours du cri de la mouette, c'est pas d'une bêtise, mais en fait à la vérité c'est le cri du goéland, mais à Dunkerque on confond jamais mouette et goéland, voilà, ouais. Et le Nord est une grande tradition de jeux populaires comme ça, et j'en parle d'ailleurs dans le roman et dans le livre. Vous parlez, alors le livre L'horizon qui nous manque, hein, c'est aux éditions Rivage, vous parlez d'un championnat du monde de décortiquage de crevettes, ça c'est une connerie. De crevettes grises, ah non, du tout. C'est du vrai. Tout. Ah oui, j'y suis allé cette année, c'était spectaculaire. Et c'est vraiment un championnat du monde, parce qu'au début c'était entre Dunkerquois, ça se passe à Lefrancouc. Et alors il y avait Mamie Crevette, Nicole je crois, elle a été championne du monde pendant quelques années. Elle a été détrônée il y a 2 ans de cela. Et au départ c'était Dunkerquois, vraiment. Et puis un jour il y a un Argentin qui est passé par là, donc c'est devenu international. Et alors ça, moi c'est une chose qui m'a fasciné. Je me suis dit, il faut que je mette ça dans un roman, absolument, que je nourrisse un personnage avec cette ça donne une idée du Nord, quoi. C'est-à-dire malgré l'adversité, malgré une certaine misère sociale, malgré les usines qui ferment, malgré un chômage incroyable, les gens renaissent toujours par le jeu et par les festivités. Et donc ils en inventent le cri de la mouette, le championnat du monde de décortiquage de crevettes grises. Et cet été j'y ai assisté, j'étais vraiment très très impressionné, parce que je l'avais raconté dans mon livre sans y avoir assisté. Et cette année c'était vraiment international. D'ailleurs depuis 2 ans la championne du monde, c'est une Belge, donc c'est quand même une compétitrice qui a franchi la frontière, donc à quelques kilomètres, c'est devenu là. Et il y avait un Chinois, il y avait un Italien, je crois. Donc c'est assez fascinant, voilà. Bon, vous l'aimez votre Nord, vous l'aimez son peuple ouvrier. En revanche, vous avez, je suis sûr que ça vous fait mal de voir le vote FN qui prospère là-bas depuis maintenant une quinzaine d'années. Ben, moi, quand la région a basculé à droite, et c'est une droite dure avec Xavier Bertrand, avec des villes qui sont passées au Front National, ce jour-là, moi, j'étais effondré, quoi. Parce que les gens que je connais du Nord ne ressemblent pas à ça, quoi. Enfin, c'est vraiment un vote de désarroi. Mais voilà, comment on l'explique, ce vote-là? Mais vous savez, toutes les villes Front National aujourd'hui dans le Nord, Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, ce sont des anciennes villes communistes. C'est assez incroyable, hein. Tant qu'il y avait une prospérité économique, que les gens, voilà, les gens avaient du travail, il y avait pas de ce genre de tentation, hein. Et on sait très bien que c'est un vote cannibale, enfin ce que j'appelle un vote cannibale, c'est-à-dire que ils vont se faire manger, ils vont rien gagner à cela. Et là ce qui est encore plus douloureux, c'est que la gauche, dans toute sa diversité, n'arrive pas à revenir, à reconquérir du terrain, quoi. Ça semble sans fin, quoi. Alors il y a des îlots à Dunkerque, par exemple, le maire de Dunkerque, d'hiver gauche, il ne s'est pas trop décidé pour une couleur rouge très précise. Bon, il fait un truc assez spectaculaire qui est une promesse de reconquête. Bon, nous avons des gens comme à Grande-Synthe, qui a fait un boulot extraordinaire. Donc il y a quand même des îlots de résistance, mais globalement c'est très triste et c'est douloureux. Clément, on avait aussi affaire quand même à un PS qui était assez hégémonique et qui voilà qui était établi de façon germinale. Non, ça c'est à Toulouse. non, c'est en Ariège. Il y avait une fédération du Nord ultra puissante qui trustait tout et qui a volé en éclats au fur et à mesure des années. Bon, comment est-ce que la gauche peut se reconstruire avec des bases pareilles, quoi, avec de nouvelles énergies, avec une nouvelle génération en laquelle on aura confiance. Bon, c'est vrai qu'il y a eu de la gabegie, il y en a qui se sont goinfrés, comme on dit, et il n'y a pas de hasard. Hein, à un moment donné, trop c'était trop, il y a eu des excès de toutes sortes. Mais c'était sur un vilain terreau aussi, un terreau de destruction économique. Et en fait, pour comprendre, il faudrait vraiment beaucoup de recul et un travail d'historien aux petits oignons, parce qu'on ne peut pas comme ça juger des choses. Alors Cédric ? Tiens, pour une fois, je vais dire un truc intelligent. Alors en fait, on parle du côté un peu cliché et tout. Nous, dans le Sud, on souffre du cliché pagnolesque. Être du Nord, être fier de la culture du Nord et de ce coin et de toutes ces traditions, c'est pas un peu compliqué depuis que Danny Boone, il a tombé Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, Bilout, c'est pas compliqué, Bilout, d'être fier de... Non, je pense qu'il a... c'est marrant parce qu'on m'interpelle beaucoup là-dessus. Alors moi, je lui en veux pour un point, c'est qu'il a situé Berg en pays Ch'ti, alors que c'est une erreur fondamentale. Berg est en Flandre. C'est à quelques mètres du pays Ch'ti. Ah non, du tout. Le pays Ch'ti s'arrête, on va dire au mieux, enfin à Bailleul, mais il s'arrête à la vérité à Armentières, donc c'est à quand même quelques dizaines de kilomètres de Berg. Ça, je lui en veux pour ça. Mais néanmoins, je pense qu'il a agi avec générosité. Et depuis quand même ce film, le Nord-Pas-de-Calais devient une terre de cinéma. C'est-à-dire qu'on multiplie les tournages, rien qu'à Dunkerque, il y a eu la série de Canal+, le Baron Noir, qui voilà, là le Capitaine Marlowe va être tourné là-bas. Beaucoup de films ont été tournés en partie ou en totalité dans les Hauts-de-France. Donc ça, il a peut-être initié un mouvement qui va peut-être montrer la région sous un jour plus joyeux et plus agréable. Parce que depuis que tout est fermé, les usines... Il y a quand même une renaissance économique dans ce sens-là. Clément, est-ce qu'il n'y a pas un risque de folklorisation, un peu comme ce à quoi on assiste du côté de la Provence, par exemple avec la série Plus belle la vie qui est diffusée sur France 3, avec j'ai envie de dire un quartier factice, des gens avec un accent factice. Enfin, télé quoi. Entendez un accent dans Plus belle la vie, non? Monsieur Michel Corde qui joue le rôle du barman, lui il a un accent. Oui, mais lui il est vraiment. Il regarde Plus belle la vie. Oui, mais je le savais. Parce que Monsieur Corde, il est du Languedoc, il est de chez nous, hein, il n'est pas provençal quoi, mais c'est le seul à avoir l'accent dans cette série. Bon, est-ce que vous craignez pas un petit peu justement de vous faire rattraper par une certaine folklorisation? Non, je pense pas. Moi, je regarde peu la télévision. La caricature, c'est évidemment Bienvenue chez les Ch'tis, parce que personne ne parle comme ça véritablement. C'est tellement accentué. Enfin, il y a quelques endroits peut-être où il y a des accents aussi forts. Mais bon, comme dans toutes les régions de France, il y a eu un tel brassage qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un tournage d'une série policière, par exemple, je ne sais pas si c'est un point qui sera accentué. Enfin. Ça serait un peu ridicule et un peu pathétique, non ? L'horizon qui nous manque, c'est le titre du nouveau roman. Alors, ça se passe tout près, je crois avoir compris, parce que je ne connais pas non plus ma carte Michelin par cœur, tout près de ce qu'on appelait la jungle de Calais. Oui. Or, moi, je croyais qu'elle avait été démantelée. Elle l'a été, oui. D'ailleurs, le livre commence quelques temps après le démantèlement. Mais elle était vraiment complètement... des migrants reviennent... évidemment, le lieu en lui-même, il a été évacué, mais les problèmes posés demeurent. Hein. Mmh. Donc, l'histoire commence à ce moment-là, au moment où on a évacué le camp qui se trouvait au milieu des dunes, en lisière de Calais. Et mon histoire se déroule précisément entre ce lieu. Qui du coup devient extrêmement particulier, chargé d'une certaine intensité, et la centrale nucléaire de Gravelines, donc un espace qui fait à peu près une douzaine de kilomètres, même pas, et qui est une zone très très particulière, où sévissent des gens peu recommandables, à savoir des chasseurs de gibier d'eau. Ceux-là, vous les détestez, oui. Mais ceux-là en particulier, oui, parce que... Alors, antimilitaristes, anti-finance internationale, presque pro-migrants et anti-chasseurs. Gauchistes. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, oui. Oui, ça marque un homme. Vous n'avez pas l'air comme ça. Non, mais c'est un endroit, rappelez-vous, dans l'actualité, il y a peu de temps, où des chasseurs ont tué des phoques. Alors, c'est une en dehors du fait que c'est une espèce protégée, interdite à la chasse, imaginez ce qu'il peut y avoir dans la tête de quelqu'un aujourd'hui qui, en France, armé d'un fusil, va tuer un phoque sur la plage. C'est assez... voilà, c'est, pour moi, je trouve que c'est le signe d'une bêtise absolue. Et alors il y a l'association Sea Shepherd qui a lancé un avis de recherche, mais bon, il y a la loi du silence et jamais un chasseur ne dénoncera un autre chasseur. Il faut savoir que là-bas la situation est telle que les gendarmes annoncent leur arrivée. Hein, parce oui, comme que ça, ils risquent jamais de se faire choper. Voilà, il n'y a aucun voilà. problème. Attends vite. C'est une zone de non-droit. Donc ça m'a paru quand même assez intéressant de poser une action dans un endroit pareil. Et alors justement, comment trouvez-vous cette inspiration pour écrire justement vos livres ? Comment vous cherchez justement ces petites anecdotes, ces témoignages que vous avez vécu notamment ? Alors là, il y a plusieurs sources, on va dire. Il y a l'enfance, parce que c'est un des endroits... Vous êtes marqué au fer blanc par votre enfance, vous, non ? Ah oui, oui, ouais, oui. Dans oui. les autres livres, on le sent déjà. Oui, oui, tout à fait. Tout mon cycle nordiste, c'est-à-dire le chemin s'arrêtera, la cruelle nature, maintenant le mal est fait, les derniers jours d'un homme, se nourrissent de mon enfance et de mon adolescence, c'est-à-dire de tout le temps où j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. Là en particulier, c'est un endroit où j'ai fait mes premiers pas d'ornithologue, de naturaliste. Donc, et où j'ai vécu ce choc avec ces chasseurs. Et donc, en même temps que je suis devenu un amoureux de la nature, je suis aussi devenu un défenseur de la nature, et mon engagement par rapport à la nature vient de là. Après, ce livre, l'inspiration vient aussi de la presse. Au fil des années, en lisant La Voix du Nord, à chaque fois que je retourne dans le Nord, j'ai remarqué un dérapage, quoi. J'ai remarqué aussi une dégradation sociale, ça va sans dire, mais aussi humaine, émotionnelle. Le livre est rempli d'événements qui sont des faits divers puisés dans La Voix du Nord. Et on pourrait croire que je les ai inventés, mais non. Alors je les aménage à ma sauce, bien sûr, mais je n'ai pas inventé grand-chose en ce qui concerne le fond. Je dis un mot du pitch ? Allez, oui. Le pitch. Après, on passera à la suite. Trois destins. Bah oui, on a prévu une petite. Vous allez comprendre. On a prévu une petite archive sur Jean Gabin. C'est parti. Voilà. Alors le pitch, c'est trois destins qui se croisent, un peu paumés, hein, un peu fracassés. Deux hommes et une femme. Alors déjà, c'est vous la femme. Oui, oui, la première oui, oui. personne. Le jeu, c'est la femme. Mais ça, c'est mon côté dunkerquois. Oui, hein. À Dunkerque, les hommes se déguisent en femmes. Donc voilà, j'y suis allé. Et alors, il y a un truc, après ce que vous avez dit, il y a deux minutes, le principal personnage des trois, à mon avis, hein, alors après, je suis un lecteur, c'est un chasseur. Ah oui. Alors, c'est très, très étonnant, après tout ce que vous venez de raconter. Parce qu'en plus, il n'est pas antipathique, votre chasseur. Non, non, non, parce que c'est comme je vois le monde. Et cette littérature noire que je ne veux pas du tout manichéenne. Je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées, toujours. Même dans un personnage a priori antipathique, il y a de la lumière, je dirais. Ouais. Donc moi, je ne vois pas le c'est monde... C'est votre côté humaniste. Oui, complètement. Je vois pas la... Voilà. Et donc, j'avais envie de mettre en scène un chasseur sympathique, enfin, relativement, parce qu'il y a une limite à tout. Mais comme j'ai mis en scène un flic... plutôt sympathique dans un contexte oui. où d'ailleurs ils ont mauvaise réputation. Donc il a une phrase terrible, vous vous en souvenez, la phrase que vous lui mettez dans la bouche ? Dites-moi. Quand il rencontre un promeneur un peu écolo qui observe des oiseaux oui, comme oui, vous oui. le faites d'ailleurs oui, oui, oui. À la jumelle, qu'est-ce qu'il dit ? Rappelez-moi parce que là il dit difficile. Un truc du genre, lorsque moi je pourrais plus chasser, le chasseur, oui. il répond ça à l'écolo qui lui dit, oh, moi je suis là, je regarde les oiseaux, mon gibier ça sera à toi, voilà. Mais ça c'est véridique, ça je me souviens, j'étais gosse avec mon maître en ornithologie, j'avais 10 ans donc c'était en 74, j'étais dans ces dunes par là, au Fort Vert, et on nous a tiré dessus, au-dessus de la tête, et puis un chasseur a surgi des dunes et puis il s'est dirigé vers mon maître en naturaliste, et il lui a dit exactement cette phrase, le jour où tu as interdira la chasse, mon gibier, ça sera toi. Donc, vous voyez, bien des années plus tard, 45 ans plus tard, je mets ça dans un livre. Ah, il a des petites punchlines comme ça tout au long du bouquin. On va en parler parce qu'il y a un quatrième personnage qui court tout au long de votre livre, L'horizon qui nous manque, c'est Jean Gabin. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Gabin. C'est qui pour vous, Jean Gabin? Un moment, je me suis dit, c'est peut-être son père idéal. Ah, je sais pas. Non, mais il a bercé toute mon enfance et aujourd'hui, j'ai une fascination pour cet homme, cet acteur. Je pense que c'est le plus grand acteur qu'on ait jamais eu dans le cinéma français. Il a bercé mon enfance. Mon père, qui était un ouvrier... et qui a été très vite confronté à la vie réelle, hein, et est descendu à la mine très tôt, à 13 ans, et il a été ouvrier toute sa vie. Donc il a, sa culture, c'était un certain cinéma, et c'était Gabin. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que... Alors mon père avait de l'humour, et c'était un taiseux, mais il avait de l'humour. Et de temps en temps, il en balançait une qui pouvait faire sourire. Et longtemps après, j'ai compris que souvent, c'était du Gabin. Enfin, en tout cas, des paroles que Gabin avait eues dans des films. Alors voilà, ça m'a... En écrivant cette histoire, qui est quand même une histoire de comment dirais-je, de déshérité, de oui, de, c'est un vrai, c'est, alors on n'en dit pas plus, mais voilà. C'est un vrai roman policier. Il y a un gros rebondissement vers le deuxième tiers à peu près. Ouais. Et donc ces gens, je voulais qu'ils aient cette beauté parce que c'est magique d'avoir pas un guide, mais quelqu'un qui vous remplit et qui est une référence. Voilà. Et le peuple ouvrier, Gabin faisait partie. De la culture ouvrière, parce qu'il était exemplaire, il était beau en tout, il était magnifique en robe d'avocat, il était magnifique en vareuse militaire, il était magnifique en blouse de médecin et même en pyjama, quoi. Je veux dire, c'est l'acteur français ou l'acteur tout court qui porte le mieux le pyjama. Il faut le voir justement dans Un singe en hiver, quand il suçote son bonbon là, parce qu'il a arrêté de fumer, ou quand on le voit aussi dans Gazoil avec Jeanne Moreau, et il a la classe, il a tout le temps la classe. Alors je ne sais pas si c'est lui qui vous a inspiré, mais dans votre roman, on retrouve, allez, toutes les deux pages, des petites punchlines, des petites expressions. Alors j'en ai pris quelques-unes. Vous inquiétez pas, il y en a des centaines d'autres hein, partout dans le bouquin. À ce point-là. Ouais, écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est lui, il est pas plus con. Alors c'est vous qui écrivez. Lui, il est pas plus con qu'un autre. Il est juste con plus souvent. Nuance. Il y en a une autre. Sa mère était douce comme une râpe à fromage. Bon là, on imagine. Une autre. Quand plus personne ne sera là pour se rappeler de la guerre, il y aura de nouveau la guerre. Ça, on sent que ce pull te va. Comme une selle à un cochon. Je ne sais pas d'où vous la sortez. Alors ça, c'est une expression que j'ai captée dans une conversation populaire. Je ne peux plus vous dire où. Il faudrait les noter. Mais ce n'est pas de moi, ça. Mm-hmm. Et la dernière que j'ai repérée, dans son ascenseur social, il parle d'un type, dans son ascenseur social, il n'y avait qu'un bouton, celui pour le sous-sol. Ouais. Ça veut tout dire. Ouais. Il ne faut pas en dire plus pour dire qu'Aga n'a pas beaucoup d'avenir. Si on ne leur a pas donné envie d'acheter le bouquin, après ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est bien. Donc il est trouvable partout. On reviendra vers vous tout à l'heure. On passera dans quelques instants au coup de cœur, coup de gueule. En attendant, on se fait un petit peu une petite pause musicale, une respiration avec Yepa X et L.I.J. La vie dit non. Je vais y arriver. Vous aimez Faut se le dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et oui, nous sommes effectivement en live sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page de Radio Occitanie, sur celle de Faut se le dire, ou encore sur mon profil personnel. Voilà, animateur, célibataire. Donc n'hésitez pas à y aller. Je regarde Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'avais pas vu les caméras. et donc voilà, on vient d'écouter, je vais retrouver Yepa X et L.I.J. La vie La tante de Gérard Darmon. C'est la tante de Gérard Darmon, ouais, c'est ça, ils sont parrains. Allez, là c'est mon petit coup de gueule. Ça sera à trois métiers extrêmement compliqués aujourd'hui en France, et justement on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu voilà, à Paris, une attaque à la préfecture de Paris. Mais d'abord, voilà, mais c'est autour des policiers. Il y a eu beaucoup de manifestations, gilets jaunes, on a toutes les manifestations. C'est vrai que celle des policiers, c'est celle où on s'y attend le moins, je trouve. Bon, et autour des policiers de défiler dans la rue, à l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de 20 ans, une marche de la colère sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. La vague exceptionnelle de suicides qui s'élève à 52, quand j'ai chopé l'article, c'est à 49, quelque chose comme ça, donc il y en a encore depuis, enregistré depuis le début de l'année, a servi de déclencheur au mouvement unitaire. Il s'agit d'une forte poussée d'actes suicidaires jamais connue à ce niveau pour un effectif approchant les 150 000 policiers. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que ça ne tient pas compte des tentatives de suicide, du mal-être qui s'exprime par de nombreux divorces, séparations, voire des addictions, notamment à l'alcool. Donc voilà, je voulais un petit tour de table sur ce qu'on en pense. J'entends les sirènes en fond, voilà, parce qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai vu deux policiers une fois, dont un qui a pété un câble très sévèrement devant moi, pas parce que j'avais fait quoi que ce soit de mal, mais qui ont pété un câble tout simplement parce que ils ont enquêté pendant longtemps contre un mec et finalement le juge décide de libérer le mec alors qu'il était multiples fois coupable. Enfin voilà, il y a un vrai mal-être et je me demande où ça va aller quand c'est les pompiers qui ont un malaise. Voilà, c'est les pompiers, mais quand c'est les policiers, c'est les gens armés, c'est ceux qui arrêtent généralement ceux qui manifestent. Donc qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, vite fait? Moi personnellement, ça m'inquiète un petit peu pour la suite. Clément. Pour moi, c'est un symptôme supplémentaire de la dégradation de nos services publics, quoi, hein, dire, mm-hmm. quel qu'il soit. Effectivement, les policiers se révoltent parce qu'ils en ont ras le bol de travailler dans des conditions pas possibles, dans des commissariats miteux, avec des voilà, avec du matos qui est pas forcément approprié. Bon, c'est quelque chose qui peut tout à fait se comprendre. Ouais. Mais voilà, je pense que puisqu'on parle de policiers, de pompiers, etc., il faut se remettre dans un contexte beaucoup plus large de lente dégradation de services publics, non seulement de la sécurité des citoyens, mais aussi de l'éducation, mais aussi mais aussi de l'audiovisuel public, mais etc., etc. Quoi. Et alors on continue donc avec les services publics, la grève des sapeurs-pompiers entamée, donc l'article date du 29 août, hein, entamée le 26 juin, devait s'achever samedi 31 août, elle se poursuivra jusqu'au 31 octobre. Les pompiers étant tenus d'assurer un service minimum, la contestation s'est jusqu'à présent matérialisée par des inscriptions sur les casernes et les véhicules ou port de brassard lors des interventions et n'a pas affecté les opérations de secours. Le mouvement a été suivi par 90 services départementaux d'incendie et de secours sur 100 selon les syndicats. On a perdu en effectif, on a gagné en nombre d'interventions, résume Sébastien Delavoux, on manque de bras. Les revendications n'ont pas changé au cours de l'été, elles concernent essentiellement le plan opérationnel, la lutte contre la sursollicitation, le plan salarial, une revalorisation de la prime de feu à hauteur des autres métiers à risque, 28% contre 19% aujourd'hui, et le plan sécuritaire, alors que 120 faits de violence, on en avait parlé aussi, contre les pompiers, sont recensés chaque mois selon Beauvau. Voilà, parce que les policiers se font attaquer quand ils sont en intervention, mais maintenant, depuis un petit moment malheureusement, les pompiers aussi, et le SAMU. Ouais, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est les pas... pompiers, alors moi j'ai le souvenir d'un reportage il y a 20 ans, avec un pompier à Ampalo, un pompier d'Ampalo qui m'avait pris à part lors d'un reportage, il m'avait dit, mais vous savez, nous on n'en peut plus, on en a marre, on se prend des batteries de bagnole, on se prend des du haut des immeubles, hein. Et voilà quoi. Et alors je lui dis, oh, bah, on va en parler. Ah bah non, on peut pas en parler. C'est trop compliqué, c'est trop sensible. Hein, 20 ans. Ouais. Voilà, après. Enfin, s'il y a une catégorie de personnel de service public sur qui il est particulièrement injuste que la violence tombe, ça me semble être les pompiers. Oui. Voilà quoi. Oui. Encore plus que les autres. Ah ouais. Oui, parce qu'eux viennent vraiment les pour ça aussi dans les hôpitaux, puisqu'on constate aussi des fois des agressions sur les soignants et hospitaliers. Oui, mais les médecins dans les hôpitaux sont là pour soigner. Eux, ils vont au feu, quoi. Les pompiers, enfin, pas qu'au feu, mais voilà, quoi. Ouais. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, de toute façon, les problématiques des personnels soignants, on va en parler dans pas longtemps, parce qu'il me semble que vous avez des invités là-dessus qui sont arrivés. Oui. Elles peuvent rentrer dans le studio d'ailleurs. C'est Interurgence. Et voilà, justement, on en parle. Les urgences fermées, conflits au CHU Purpan de Toulouse. Je cite, vous avez obtenu 70 millions en juin, 750 millions en septembre. Dans 9 mois, peut-être qu'on aura 7 milliards, ironise Fabien, médecin urgentiste lors de l'Assemblée générale du collectif Interurgence. Voilà, un rassemblement important mardi dernier, au lendemain des annonces d'Agnès Buzyn, qui a promis 12 mesures et 750 millions d'euros pour soulager les urgences. Donc le collectif Interurgence continue de réclamer des réouvertures de lits, des recrutements à la hauteur des besoins et une augmentation de 300 euros net mensuels pour tous les hospitaliers. On y reviendra justement dans quelques instants avec nos invités qui sont arrivés. Ça sera aux alentours de 19h pour parler de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table à les urgences? Ça fait un moment que ça dure, ça fait... Désolé d'être vieux, hein, mais c'est vrai que c'est pas récent non plus comme histoire. Moi j'ai toujours hein. entendu depuis que je suis né qu'il y avait des soucis, que ça ne s'est pas arrangé, pire, ça s'est aggravé. Toujours des conditions de travail toujours plus difficiles, toujours des moyens toujours plus rares, hein, j'ai envie de dire, qui se font, et des économies toujours plus d'économies réclamées. Donc, donc moins de personnel, donc on en revient aussi au burn-out aussi du personnel hospitalier. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser, et on en parlait l'autre jour, Alexandre, d'où l'État aussi devrait aussi... mettre un peu les pieds dans le plat et vraiment parler et pas faire des conférences ou lâcher des communiqués, vraiment parler avec les directeurs hospitaliers. Il y en a deux qui sont avec nous qui en parleront beaucoup mieux tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, Cédric. Ouais, non, moi, pour avoir connu doublement le côté hôpital et en tant que papa, et pour avoir une chérie qui travaille dans le milieu hospitalier, moi, il y a quand même un truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on dit l'État, faut que l'État fasse des choses, ouais, mais les patients, à un moment donné, ça serait peut-être bien de se sortir les doigts et de dire, bon, ben voilà, vous avez vu les services d'urgence où on va, les gens, ils nous soignent, ils nous aident, et ça va pas du tout. Faudrait les aider. Ouais. Ça serait bien aussi, au bout d'un moment, d'arrêter de croire en l'État-providence qui va descendre avec sa baguette magique et rappeler un peu à l'État-providence qu'ils sont en CDD et que c'est nous les patrons. Mmh. On en parlera tout à l'heure. Autour de la table, encore de toute façon, on en parlera à partir de 19h. Moi, j'ai même envie de décaler un petit peu le conducteur parce qu'elles sont là avec nous, et vu qu'on est là, j'ai pas tellement envie de faire le Gorafi, pas Gorafi tout de suite. Donc, je me retourne vers nos invités qui sont avec nous, Isabelle Pronot et Julie Tirello. Donc, vous allez vous présenter, urgentiste et infirmière. Je vais juste demander peut-être si on peut l'aider par rapport à ce micro-là. Non, aide-soignante, je voulais dire. Par rapport à ce micro-là, ouais, qui tombe un peu. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va à peu près ce qu'on a dit, ou c'est pas ça du tout? On s'est planté complètement. Oui, ça va. Ouais. Oui, pardon. Vous êtes là. Moi, je vous ai vu tout simplement. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, j'essaie de voir. On me dit qu'il y a un souci au niveau du micro. Parce que c'est le micro blanc, Cédric, je crois, sur le potard. Ça ne marche pas non plus. Oui. Si. Donc voilà, pardon, on a plein de petits soucis techniques. On est désolé ce soir, les micros entre les casques qui grésillent. Ce sont les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct, les micros qui grésillent, les Larsen. Bon, c'est pas grave. Voilà, en ce moment, il y a un gros mouvement social qu'on voit vraiment là pour le coup. Moi, j'allais à ma salle de sport pour l'info, et je suis passé devant un hôpital où il y avait une manifestation. C'était en début de semaine, il me semble. C'est la clinique Ambroise Paré. Voilà, la clinique. Merci. Je connais mieux Toulouse que moi. Merci beaucoup Clément. Donc voilà, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui se passe, bien que j'en ai déjà parlé, qu'on en parle beaucoup, mais vous êtes les mieux placés pour nous parler de tout ça. Moi, je suis donc Julie Tirello, je suis représentante Occitanie pour le collectif Interurgence, mmh. et je suis infirmière donc aux urgences de Purpan. Donc effectivement, il y a un mouvement à Ambroise-Paré. Nous, la semaine dernière, il y a eu donc jeudi dernier. Toute l'équipe soignante du matin qui devait arriver à 7h a été mise en arrêt par leur médecin parce qu'ils étaient épuisés et ne pouvaient pas venir travailler. Donc les urgences ont été quasi fermées pendant 24 heures. Et depuis hier soir, c'est pareil. Donc aujourd'hui encore, les urgences sont quasi fermées. Service minimal. Voilà, il n'y a quasi pas de paramédicaux dans les locaux. C'est une souffrance aux urgences de Purpan qui date de février, parce que notre préavis de grève date du mois de février. C'est-à-dire que depuis février, vous êtes en grève? On a un préavis de grève depuis février. Après les actions, la mobilisation, ça peut être plus compliqué. Parce que c'est très long, très fatigant. Et puis, quand vous êtes en grève, vous travaillez. Faire grève en tant que soignant, à part avec un brassard et un scotch dans le dos qu'on a eu pendant 3 mois, c'est difficile de trouver des moyens de le faire. C'est quelque chose. Le mouvement national aide beaucoup. Donc là, c'est aujourd'hui 264 services d'urgence en France qui sont en grève. Donc on est peut-être à plus de la moitié des services d'urgence publics en grève. Il y a les urgences d'Ambroise Paris qui sont en grève. Il y a d'autres cliniques qui songent dans la région à se mettre en grève aussi. Il y a Saint-Gaudens hier soir aussi, les urgences qui ont lutté contre leur direction parce qu'ils sont assignés de façon illégale. Donc ils ont décidé qu'ils allaient respecter le cadre légal. Et la direction a paniqué parce que ils n'avaient pas leurs agents de nuit qui sont présentés vu qu'ils n'étaient pas assignés légalement. Voilà, ça aurait pu faire un autre service d'urgence fermé avec tous les risques sanitaires que ça comporte. Mmh. On a l'impression que vos directions soit vous entendent pas, soit ne vous croient pas, n'écoutent pas. Soit ne vous écoutent pas, oui. Ils n'écoutent pas volontairement. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. C'est très volontaire de leur part. Là, ils nous accusent. Parce que c'est un document qui est sorti il y a une heure. Ils nous accusent donc de fourvoyer le droit de grève et l'éthique des soignants avec des arrêts maladie coordonnés. Mmh. Il faut bien rappeler que c'est quand même pas les soignants eux-mêmes qui se mettent en arrêt maladie, c'est les docteurs qui mettent les soignants en arrêt maladie. Alors on a une question de Cédric. Oui, non, moi je me pose une question qui est toute bête, c'est justement est-ce que votre direction ne profite pas d'un truc? C'est le fait que, comme le disait Pierre, comme le disait Alexandre, quand vous êtes en grève, vous marquez que vous êtes en grève, mais vous travaillez parce que vous devez sauver des vies. Donc, est-ce que de toute façon, ils ne se disent pas, elles et ils sont en grève, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler, donc c'est pas grave, on va attendre, ils vont finir par se calmer, quoi. Ah, mais c'est exactement ça qu'ils font depuis... c'est exactement ça qu'ils font depuis le mois de février. Ils ont bien vu qu'on faisait pas grand chose, donc ils ont dit très bien, s'ils font grève comme ça, nous ça nous va, c'est parfait. Et maintenant ils se cachent derrière les mesures de Madame Buzyn là, qui sont sorties, qui sont que du vent, pour nous dire on attend que le ministère fasse quelque chose. Sauf que nous en fait on demande depuis février, et depuis février rien n'a avancé. Donc, Clément. Quand Mme Buzyn vous engage, je crois, parle de 700 millions... 750. Oui. 750 millions, donc, de dépenses à éviter de faire. J'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire par là. Ce sont des économies, à faire, ou c'est pas des économies que vous devez faire? Alors, c'est 750 millions pour les urgences, pour réinventer le 15, pour orienter les patients vers des médecins généralistes qui n'existent pas. Si on regarde bien les mesures qui sont développées, il y a 12 mesures. À chaque fois que ça concerne le personnel soignant, il n'y a pas de budget à côté. C'est quand même très intéressant à savoir. Et comme le disent les syndicats donc, du CHU de Toulouse, rien que sur le CHU de Toulouse, il faudrait 1,4 million ou combien ? 1,4 million ou 1,4 milliard, je crois, pour bien gérer tout ce qu'il faut. Donc 750 millions pour l'ensemble des services d'urgence en grève, je pense qu'on ne va pas y arriver. Hein. Et il faut aussi savoir que le budget de la santé est en diminution cette année, donc on était je crois à 2,6, on passe à 2,3, donc ça veut dire que il va falloir aller racler les tiroirs, et quand on racle les tiroirs c'est sur les soignants qu'on tire en premier. Julie a parlé des urgences, donc moi je suis dans une organisation syndicale Sud, effectivement on soutient nos collègues des urgences qui ont décidé collectivement d'un arrêt de travail d'un arrêt de travail. C'est pas les syndicats qui sifflent la grève, c'est pas les organisations syndicales. Julie l'a bien dit, ce sont les médecins qui arrêtent les patients quand ils estiment les soignants quand ils estiment justement que les soignants sont épuisés, fatigués parce que les conditions qu'on leur fait vivre ne sont pas adaptées à n'importe quel humain, quoi. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas là pour prendre en charge des des boîtes de conserve, on a des humains dans les mains, et ça, la direction, elle a pas envie de le voir, elle l'oublie, elle le dit même pas, elle parle de flux, elle parle pas de patients, elle parle de flux. Donc voilà, budget de la sécurité sociale qui est en baisse encore cette année, comme tout d'autres budgets, hein, budget droit des femmes aussi est en baisse, je le rappelle aussi, parce qu'en ce moment il y a une grosse manifestation en ce moment en place du Capitole de nos amis à l'appel de toutes en grève. Donc je le rappelle parce qu'on est aussi beaucoup de femmes dans le secteur hospitalier, et c'est peut-être pas un hasard non plus. Alors oui, dans l'ordre, Cédric. Alors en fait, j'ai entendu le mot flux. Moi, il se trouve que j'ai une copine qui est infirmière qui, un soir, nous a craqué dans les bras après 3 bières et a tout craché sur son boulot. Elle m'a dit, un des mots que j'entends le plus, c'est pas soin, c'est rentabilité. Alors, vrai ou pas vrai? Ah, mais tout à fait vrai. C'est, faut faire du flux, c'est-à-dire faut faire entrer le plus de patients possible. Donc, on fait des nouvelles organisations pour gérer l'afflux de patients qui, tout le monde vous le dira, les médecins, le ministère, vraiment, est insupportable pour les urgences. Mais bon, ça rapporte quand même de l'argent, donc on va quand même faire en sorte de bien ramasser le flux, et puis peu importe comment les patients sont pris en charge une fois qu'ils seront là. Oui, et puis choisir les soins rentables, m'avait dit ma collègue. Après, nous, l'hôpital public, c'est un peu plus compliqué de choisir les soins rentables, mais on a donc ces soins rentables, et on a aussi toute la misère. Hein. Donc, c'est-à-dire toute la misère sociale qui est oublié, hein. On a tous les patients qui ont des pathologies chroniques, qui ont des pathologies psychiatriques, qui sont à l'écart du monde dans lequel on vit. Alors déjà le nôtre, mais alors encore plus des hautes sphères. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. C'est, on voit tout, et c'est un déni des directions et du ministère sur ce qui se passe vraiment, la réalité. Voilà, ils n'arrêtent pas de dire que oui, de toute façon, leurs experts leur ont dit que... Je dis, mais les experts, vous n'avez pas besoin d'experts, vous les avez sur place, les experts, c'est nous les experts. C'est nous qui sommes sur place, c'est nous qui gérons les patients, c'est nous qui savons quoi faire. Si vous leur parlez faire. Comme ça, évidemment... Mm. Ah oui, non, mais ça ne leur plaît pas trop, je vous le confirme, effectivement. Mais c'est pas le discours qu'ils apprécient, mais il faut à un moment donné qu'ils l'entendent, parce que ce n'est pas possible. On a avec nous un écrivain. Alors s'il a un truc, Pascal Dossin, oui. C'est humaniste. Et il s'intéresse aux petites et aux grandes misères de ce monde... Sujet formidable, l'hôpital, les gens, ouais, les non, malades. Non, mais il y a des mots qui me font mal aux oreilles. Ouais. C'est traiter les gens d'une mauvaise façon, mais c'est pas la faute de ceux qui les soignent, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Quoi. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, aussi bien du côté des pompiers que de la police, que là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en profondeur dans ce pays, quoi, et qu'on est en train de tout mettre par terre. Donc, c'est une violence incroyable, parce qu'on fait peser à des gens qui ne peuvent pas le supporter, des choses, voilà, par manque de budget, paraît-il. Alors là, je suis sidéré d'avoir entendu que on baissait certains budgets, mais c'est fondamental, le soin. Je sais pas, il n'y a pas des recours en justice possibles, parce que ça va virer à la non-assistance à personne en danger, parce qu'à un moment donné, vous avez des gens qui vont se retrouver dans des couloirs, comme en certains endroits, à attendre pendant des heures leur scanner, ou après le scanner, ou être dans des situations indignes. Et là, je veux dire, il y a quelque chose qui vire à la barbarie. Enfin, barbarie moderne. Mais ouais, oui, non, mais je veux dire, ça va pas du tout. Donc voilà, je suis effrayé par cette société telle qu'elle est en train d'évoluer. C'est même pas de l'évolution, là, c'est de la dégradation. C'est-à-dire que, et là, on nous dit que l'espérance de vie en France augmente, etc. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est le contraire. Parce qu'à un moment donné, ça va se payer, ça. C'est évident, il y a des gens qui ne pourront pas être aussi bien soignés qu'ils le devraient. Isabelle ? Moi, je crois que le recours, c'est le contre-pouvoir, hein. Et c'est le rapport de force. Malheureusement, on n'a pas le choix. Moi, j'aimerais bien faire autrement aussi. Notre vocation à nous, c'est pas d'être dans la rue, hein, c'est d'être auprès des gens. Mais je crois qu'ils nous laissent plus le choix. Enfin, je crois que c'est aussi ce qui pousse nos collègues des urgences à avoir choisi ce type d'action-là, parce qu'il y a un vrai souci de fatigue. Je rappelle aussi que sur le CHU de Toulouse, il y a certes les urgences qui sont en grève, mais il y a aussi un secteur, le secteur de la traumatologie. Donc C'est les filles sont en lutte déjà depuis l'année dernière. Et là, il y a eu de nouveau une goutte d'eau, c'est-à-dire que on leur enlève un poste, une ligne d'infirmière et une ligne d'aide-soignante. Donc, elles ont choisi à peu près le même. Enfin voilà, elles luttent aussi de leur façon. Elles ont choisi ce type de lutte aussi parce qu'elles n'en peuvent plus, parce que quand on enlève du personnel, ben c'est sur les autres, c'est sur les collègues que ça retombe. La charge de travail, elle est sur les collègues, et à un moment donné, on n'en peut plus quoi. On nous rappelle sur nos week-ends. Enfin, on a des horaires atypiques. Rappelons-le aussi, hein, l'hôpital, c'est des horaires atypiques. C'est on travaille les jours fériés, on travaille les week-ends, on travaille la nuit. On peut pas prendre nos congés tout à fait comme on le souhaite. Enfin, je veux dire, tous les débuts de mois, enfin tous les débuts d'année, au mois de janvier, il y a des réunions pour poser nos congés sur l'été, mais c'est toujours des sources d'angoisse et de conflits parfois entre les équipes, parce que des fois on nous impose 15 jours d'affilée alors qu'on a droit à 3, ou on nous fait revenir sur des week-ends. Enfin voilà, c'est ça l'hôpital en ce moment. Donc il y a aussi, alors moi je suis pas très people, mais en même temps je me félicite que des personnalités nous soutiennent aussi comme ça parce que c'est pas enfin je voilà où on en est quoi, voilà où on en est. Clément, juste une, quand vous dites une ligne d'infirmière, un truc comme ça veut dire quoi pour expliquer à nos auditeurs? C'est un poste en fait, ils ont supprimé un poste d'infirmière et un poste de soignante alors qu'elles sont déjà en sous-effectif. D'accord. Et qu'elle lutte depuis un an et demi pour demander des effectifs, on leur supprime encore des effectifs. Ben oui. Donc quand on dit que on a des mesures extrêmes pour essayer de se faire entendre, parce qu'on travaille dans des conditions extrêmes en fait, c'est qu'on n'a plus le choix. Ils nous mettent, on n'est plus au pied du mur là. Enfin, on parlait des pompiers, on est face au feu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va faire quoi? On va se laisser brûler? On peut pas, à un moment donné, il faut savoir se défendre. Hein, Guillaume ? Oui, justement, comment voyez-vous l'avenir de l'hôpital public en France pour les prochaines années, si ça continue comme ça? Parce que, est-ce qu'il y aura encore un hôpital public en France? Voilà, c'est la question que je me pose, ça fait peur. Quoi. L'hôpital public, c'est notre bien commun, hein. C'est à nous. Voilà, ça c'est un peu comme les autoroutes. Il n'est pas question de le laisser partir en fumée, de le laisser privatiser, parce que la santé c'est quand même aussi un marché qui est juteux, hein. faut y penser. Donc voilà, si des sociétés privées lorgnent avec de grosses jumelles sur l'hôpital, c'est pas pour rien non plus, et sur la santé en général. Donc c'est notre bien à tous et à toutes, l'hôpital. Donc il faut réinjecter d'urgence des moyens, des sous dans l'hôpital. Il n'y a pas 36 000 autres solutions, je crois, des moyens humains et financiers. Supprimer la dette, abroger, enfin l'hôpital est en dette, c'est facile, hein, les solutions on les connaît un petit peu quand même, hein, ça se joue pas à la bourse. Clément, une petite question personnelle peut-être pour conclure, parce qu'il faut qu'on avance. Vous aimez encore votre boulot quand même? Je pense que oui, sinon on se battrait pas autant qu'on le fait. Mais aimer son travail et aimer le faire dans les conditions actuelles, c'est différent. Vous n'aimez pas la façon dont on vous le fait faire? La maltraitance institutionnelle qui entraîne une maltraitance des patients, c'est un impact psychologique énorme, et pour les soignants et pour les patients. Ça détruit tout le monde, hein, donc faut pas. Sauf nos chers dirigeants qui ne voient rien. Merci. Merci beaucoup. On va s'écouter avant de passer à la suite un petit peu de musique. Ensuite, on retrouvera Anna et Gérard. On va s'écouter Voyou, la serre. Voyou, et on se retrouve tout de suite après. Non, faut se le dire, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. Il n'y a aucun rapport avec le sujet qu'on vient d'aborder. Voyou, non, pas. Voyou, les dirigeants qui ne voient rien. C'est parti. Vous aimez Faut se le dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. On va bientôt passer à la suite, mais je vais quand même rappeler que nous avons des places à faire gagner pour le labyrinthe au château de Merville. Voilà, deux places à gagner. Donc profitez-en avant que l'hiver arrive, que le froid gèle tout et que vous ne pouvez plus sortir. Vous restez chez vous devant Netflix ou n'importe quel. Netflix. Elle est bonne celle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flics sur les séries modernes. Mais oui, c'est assez amusant. C'est blague de vieux. Chez Facebook, Netflix. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc pour participer, c'est tout simple, c'est gratuit. Soit vous nous appelez au 05 61 80 40 40, 05 61 80 40 40, ou alors vous jouez sur la page Facebook de l'émission. Envoyez-nous votre plus beau commentaire. Je pense que je fixe cette oreille. Le plus drôle gagnera les deux places pour le Labyrinthe des Merveilles. Je montre aux caméras. Et non, parce qu'il y a un reflet dégueulasse dessus. On passe à la suite avec les véritables fausses informations d'Anaël Gérard. Oui, alors aujourd'hui, Alexandre, un tout petit peu spécial. Moi, je suis venu du futur. T'es venu du futur ? Absolument. Ah bah je viens d'arriver là par train interstellaire. Je viens du 3 octobre 2050. Très bien. Voilà, donc, Marty, c'est parti. Écoute, j'ai envie de te donner la météo. Voilà, Météo un petit du point jeudi météo. 3 octobre 2050. De 2050, c'est voilà. Parti. Allez, c'est parti. C'est donc la météo de ce jeudi 3 octobre 2050. Pas de vent solaire aujourd'hui, malgré quelques bourrasques qui pourraient souffler pendant la nuit, qui n'attendront pas plus de 100 km/h. Côté température, il ne fait pas si chaud, environ 50 degrés demain matin. Ça pourrait monter jusqu'à 70 dans l'après-midi. Si vous souhaitez vous baigner aujourd'hui, attention, l'eau est de couleur jaune fluo. Donc pensez à prendre votre combinaison anti-radiation et pollution 9e degré, hein, je précise. Allez, l'actu. Ça, c'est bien l'actu. Les dinosaures, oui, ils ont été réintroduits dans les Pyrénées à cette époque-là, ce qui donne de belles scènes d'hystérie en Ariège, parce que les agriculteurs, ils craignent pour leur arachat. C'est le mélange entre une araignée et un chat, c'est excellent en bouillie. Et en effet, le tyrannosaure en est friand, donc du coup, ça gêne un peu les agriculteurs. Niveau hygiène, vous le saviez, Ebola a tué 4 milliards de personnes. Ah, ouais. Non, c'est bon. Mais bon, c'est pas très grave, on est 56 milliards, donc on s'en fout. Vous le saviez pas ? Ça, c'est bizarre. Autre chose, je vais vous dire à l'occasion du gala de charité pour les bébés phoques en janvier 2020, on va perdre Donald. Mais si, Donald Trump. Tu connais, Alexandre ? Ah, ouais, c'est ça. Ouais. En politique, Emmanuel Macron, en 2050, est toujours président. Il est le président du monde. C'est lui qui dirige tout. Depuis la Lune, c'est la base lunaire. En 2050, on a eu la sortie de l'iPhone 69. Bon, il est pas terrible, ils ont toujours pas résolu le petit problème de batterie, là. Justin Bieber. Il s'éteindra dans quelques années, en 2049. Il est depuis idolâtré comme Michael Jackson. De nombreuses personnes sont persuadées qu'il est encore vivant. Comme quoi, tout fout le camp. Voilà, exactement. Mais que devenez-vous ? Tiens, on se pose la question, parce qu'effectivement, je viens du futur, donc je sais comment vous avez tourné. Alors, Alexandre, tu seras marié à la reine d'Angleterre. Oui, elle vit toujours, à cette époque-là. À la mer, d'accord. Vous êtes rencontrés au Forum de la Vieillesse. Ah, merde. Voilà. Et merci. Je te rassure, Faut se dire existe toujours sur Radio Infini. C'est l'évolution de Radio Occitanie, il y a quelques années auparavant. Pierre, toi, tu es devenu un champion de moto. C'est gentil. Tu as gagné... Alors, j'ai quel âge ? Parce que... Alors, je sais pas, je l'ai pas marqué. Je ne me souviens plus. 30 ans de plus. Donc... 30 ans de plus, donc j'ai 95 ans. Voilà, t'as 95 ans, mais t'es toujours champion de moto. Ça va. La moto, ça conserve. Tu as gagné 56 fois le tour des planètes entre la Terre et Mars en moto spatiale. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Je suis pas sûr, mais bon, oui. Elle est pas là, mais elle est partie, je crois. Ginger. Elle a fait fortune dans la mode. Elle fait des photos pour la Redoute. Oui, ça existe encore. Okay. Elle sera avec nous la semaine prochaine. Exactement, elle sera de retour. Donc je lui dirai la semaine prochaine aussi. Clément. Où est-il ? Il est là. Tu as fait fortune... toi, tu n'as pas fait fortune dans la mode. T'as bien tourné. Tu fais des marchés opus et tu vends des CD pour prouver aux gens que ça marchait il y a bien des années. C'est une bonne nouvelle. Guillaume. Oui. Tu as couvert l'enterrement de Donald Trump en tant que journaliste pour France 2. Tu es devenu célèbre et tu vis dans une ville, la Sainte Bieber, sur la Lune. Donc pour les autres, je vous invite à venir me voir après pour connaître aussi votre avenir, ce que j'ai pas vu, là. Enfin, que j'ai pas dit. Très important, oui. Les numéros gagnants du loto de demain. Ah, s'il te plaît. Alors, c'est 50, 23, 12, 45, 69. Je répète, 50, 23, 12, 45, 69. Je tiens juste à dire que si vous jouez ces numéros, que vous gagnez, on a droit à une part. Effectivement. Mais moi, j'ai droit à la plus grande part parce que je reviens du voilà, futur. Voilà, elle a droit à 50. Ça s'arrête à 50, les numéros de loto, non ? Ça va être à 50 ? Je crois, oui. C'est un autre loto. Je suis désolé, mais c'est un loto du futur. Un loto un petit peu indépendant, un petit peu... J'ai pas vérifié mes sources. Il est fou, Anaël Gérard. Voilà. Oui. Bonne soirée, je reviens la semaine prochaine, moi. Eh bien, bonne soirée, Anaël Gérard. C'était les véritables fausses infos d'Anaël Gérard. On passe à la suite. Vous aimez Faut se le dire à la radio ? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Mais la suite, elle est simple. On fera le Gorafi, pas Gorafi. Après, je vous fais un petit planning d'émission pendant le direct. On va passer aux unes de la semaine. Parce qu'il y a les policiers, il y a les pompiers, il y a les urgences et il y a les Professeur, l'éducation nationale va mal. L'Humanité titre « Entendez notre cri d'alarme ». Voilà des directeurs d'école. Le suicide d'une directrice d'école de Pantin suscite une vague d'émotions chez ses collègues. Beaucoup décrivent, comme elle, un quotidien intenable après le suicide donc, de cette directrice de l'école maternelle en Seine-Saint-Denis. La semaine dernière, un préavis de grève a été déposé. La moitié des écoles du département seront fermées. Selon l'SNU, FSU, premier syndicat du primaire, des rassemblements sont prévus devant les locaux de l'éducation nationale à Bobigny, comme dans de nombreux autres départements. Objectif, protester contre la situation des directeurs d'école, un véritable serpent de mer. Deux jours avant son suicide, la directrice d'école Christine Renon avait adressé un courrier à une trentaine de ses collègues, dénonçant la multitude de tâches qu'elle devait accomplir, son épuisement, un mal-être partagé par beaucoup, car les directeurs sont aussi des enseignants, avec une classe à assumer, sauf si leur école compte plus de 10 classes. Je me tourne vers Clément, qui connaît un peu les écoles, un peu quand même. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quelles seraient les solutions Je demande des solutions à mon ami Clément. Je sais pas. Oui. Près du micro, s'il te plaît. Oui, je sais pas. Enfin bon, je m'appelle pas. Voilà, je travaille pas à la rue de Grenelle, quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que concentrer de plus en plus de tâches, je veux dire, administratives ou extrascolaires sur des directeurs qui en ont déjà bien assez, bon, voilà ce que ça donne à force, quoi. D'après ce que j'avais lu là, à propos de cette dame, donc, qui était directrice d'école à Pantin, si je me rappelle bien, on lui demandait de faire des choses qui étaient sans queue ni tête, hein, et qui étaient anxiogènes au possible. Donc voilà, et encore, on parle, il y avait une réforme, un point de réforme de l'école de la confiance qui parlait de concentrer encore plus la gouvernance des écoles, non seulement de la concentrer au niveau des écoles, mais de les rapprocher avec les collèges et de faire en sorte que les principaux des collèges, donc le principal, donc le chef d'établissement, s'occupe également de la gouvernance des écoles primaires de son secteur, quoi. Donc c'est un truc complètement dingo, quoi. Et donc voilà, quoi. C'est bien joli de dire à des gens vous faites mieux avec moins, mais c'est surtout que là ils ne peuvent pas faire mieux avec de moins en moins, quoi. Ça c'est sûr. Et là malheureusement on en arrive à des drames comme ça, on en arrive à une gestion absolument catastrophique de la part de l'éducation nationale de ses personnels, et donc on en arrive à des extrémités pareilles. Mais malheureusement je crois que le phénomène ne va pas s'améliorer si ça continue comme ça, quoi. Ouais, si ça continue comme ça, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, exactement. Et toi, Clément, tu avais une aussi, il me semble, de la semaine. Oui. Donc. Ben, c'est-à-dire que bon, c'est dommage que nos amis infirmières ne soient plus là pour nous en parler, mais j'ai suivi un petit peu l'histoire de l'incendie de Rouen, parce que je pense que tout le monde autour de la table, bon, vous habitez Toulouse et ses environs, je crois. Quelle similitude, voilà, dans le déroulement médiatique de cette affaire avec ce qui s'est passé pour AZF. Voilà. Alors ça aussi, ça m'a sidéré. Je sais pas pourquoi. Chirac n'était pas encore mort. Ouais. Je dois vous dire que moi, ça m'a foutu un peu la chair de poule, quoi, de voir à quel point, de la façon dont ils ont géré la chose. Ah oui. Et j'ai regardé un petit peu les articles connexes à ce sujet là sur la Dépêche. Et j'ai vu un papier qui disait les sites Céveso sur Toulouse. Parce qu'il y en a toujours, hein. Hier, depuis AZF, ils n'ont pas bougé, hein. C'est juste que je crois qu'ils ont diminué la quantité les stocks de produits dangereux qu'ils ont au sein de leurs usines. Mais il y a toujours ce risque qui est très très élevé, parce que vous avez, c'est pas des petites usines, c'est des usines Céveso seuil haut pour la plupart, hein, c'est-à-dire qui sont tout autour comme ça de Toulouse, et aussi à Toulouse même. J'en veux pour exemple la fameuse usine de Ariane Group, si je me trompe pas, qui est basée sur l'île du Ramier au sud. C'est l'ancienne, ouais, SNPE. Voilà, l'ancienne Société Nationale des Poudres et Explosifs. Voilà, ouais. Qui a été privatisée et qui propose donc du carburant pour fusée. Comme ça, je pense. Oui, ils servaient essentiellement à ça, ils utilisaient des produits extrêmement préoccupants. Voilà, et parmi les produits, je crois que Stock, donc cette société, il y a, je crois, du phosgène. Alors, il y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore, je crois qu'il n'y en a plus. Mais oui, de toute façon, il y a encore des produits très préoccupants, et surtout, gros blackout, et enfin, on t'en parle pas, quoi. Voilà, quoi. Si le truc pète, c'est toute la rive gauche qui est déjà pour commencer qui est contaminée, puis ensuite toute la ville en son ensemble. Ouais, voilà. Et la vérité, pour le coup, la vérité est ailleurs. Moi qui ai été mis pas mal en avant sur l'histoire d'AZF, je me suis retrouvé un jour à la préfecture devant le, ce qu'on appelle le PPR, le plan de prévention des risques. Document déposé en préfecture. C'est la Bible en cas de souci avec une usine. Celui d'AZF, il y avait, alors c'est un gros document avec plein d'articles, et je tombe sur un, on me montre un article qui expliquait, avant l'explosion, hein, donc, que en cas d'explosion, c'était écrit en toutes lettres, en cas d'explosion à AZF, entre guillemets, cette explosion ne pourrait pas dépasser les limites foncières de l'entreprise. Ça veut dire elle va s'arrêter au, à la frontière, au grillage, au mur. Oh, comme Tchernobyl. Quoi, comme voilà, c'était écrit en toutes lettres. Dans ce qu'on... C'est vraiment le document le plus... le plus haut possible par les meilleurs responsables et les meilleurs... les gens les plus informés. Voilà, quoi. Voilà comment les Toulousains étaient protégés, entre guillemets. Voilà. On a vu le résultat, on a vu l'explosion. Maintenant, si on vient me dire « Non, non, mais t'as pas bien compris, c'était... Ben, oui, l'explosion, elle a eu lieu. » Que je sache. Oui. Bah avec... Et elle a largement dépassé les limites foncières de l'entreprise. Mais voilà. Avec Alex, on regardait souvent les sujets concernant, donc concernant l'incendie de Rouen sur les diverses chaînes d'information continue. On disait que tout va bien, vous inquiétez pas, c'est pas toxique, etc. Sauf que vous aviez une liste longue comme le bras d'activités à ne plus mener ou de produits à ne plus consommer, et les gens qui traitaient les lieux, je veux dire, ils étaient recouverts de la toxicité. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. C'était marqué en gros, pas de danger, voilà. Et puis tu vois des cosmonautes, quoi. On fait en train de là, tu fais pas de danger. Le gouvernement qui sait pas du tout où il va, c'est assez impressionnant. Ah non, pendant 5 jours, ça a été là. Disent, franchement, les gars, on ne sait pas. Fiez-vous aux experts. Et aux élus locaux. Sans oublier la direction de l'usine qui a mis un temps fou à communiquer la liste des produits au service de l'État pour savoir lequel pouvait prétendre. Liste qu'ils étaient supposés avoir, de toute façon. Et en usine, c'est pas la première fois, elle a été condamnée plusieurs fois sérieux. Par manquement, par choses comme ça. Ouais. Donc c'est ça qui a retenu mon attention cette semaine. Eh ben oui, elle a retenu beaucoup, beaucoup l'attention. On en parle. Oui, ben on va voir aussi sur le long terme ce que ça va donner. Je crois que c'est Yannick Jadot qui demande justement au gouvernement d'envoyer quelqu'un pour suivre selon son nombre d'années de comment ça va se passer. D'autres réactions à propos de... Non, je me tombe. Si, oui. Moi je suis effrayé par la marche de ce monde. Moi, j'ai vécu à Dunkerque, en lisière d'une vingtaine d'usines classées Céveso. On a le record européen. Alors, imaginez quand il y aura le fameux effet domino. Autant dire que... Moi, je me souviens quand j'étais gosse avec la centrale nucléaire de Gravelines, la plus grosse d'Europe d'ailleurs, on nous avait dit que s'il y avait l'explosion, il n'y aurait plus une vitre en place de Londres à Paris. Imaginez l'impact. Donc, ça ne peut pas être limité aux fonciers de l'entreprise. Non, mais ça veut dire aussi que notre monde est un peu aberrant et qu'on... On joue les apprentis sorciers. Alors, il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça, c'est qu'effectivement, tout ça est en train de se fatiguer, de s'user. Hein, donc il y aura des effets d'entraînement. Il y a la question de l'emploi, parce qu'à chaque fois elle est posée, on l'a vu avec AZF, on le voit là aussi, c'est-à-dire c'est pas tout de déplacer une usine ou de la supprimer, il y a des problèmes d'emploi, si bien que chacun d'entre nous est complice de l'affaire. Parce que ce qu'on produit dans ces usines classées Céveso, c'est ce qui nous permet un certain confort au quotidien. Ça nous permet d'avoir une voiture, ça nous permet d'avoir l'électricité, ça nous permet d'avoir des tas de trucs. Et c'est très compliqué, la question est très, très compliquée à appréhender. Bon, il est l'heure, comme certains disent, de changer de scénario totalement. Et il faut refaire un monde, là. Sinon, on est mal, on va mal. Parce que là, je ne m'attendais pas à une émission avec une telle gravité, mais là, il y a concentré. On aime bien quand c'est triste. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que tout vient en même temps, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, on a toutes les crises qui arrivent, que ce soit pollution, que ce soit crise sociale, que ce soit. Mais c'est vraiment important. Et tout était prévisible. C'est ça. Beaucoup de gens annonçaient ces choses-là. On annonce le problème des usines, on annonce qu'un jour, ça va péter dans les hôpitaux, au commissariat, chez les pompiers, et pourtant, mais rien ne... Alors c'est un peu populiste de ma part, mais rien ne se fait parce que non, c'est faux, c'est faux. Mais c'est faux. Mais la Terre en ce moment porte des gens qui sont dans le complet déni et dans le cynisme le plus complet. Enfin, je veux dire, on est sur une planète qui est quand même dominée par des Poutine, par des Trump et par des Bolsonaro, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont le pouvoir de destruction ultime et qui sont en train de l'appliquer pour le bénéfice de quelques cyniques et de quelques salopards. Donc là, on n'est pas bien. Du tout, quoi. Ouais. Eh ben, sur ce note positif, on va s'écouter un petit peu de musique avant de passer à la suite, de revenir justement vers vous, Pascal. Et on fera aussi la playlist de Pierre Nicolas. Clément Pêche nous parlera de la santé du rugbyman. Guillaume Panetier, nous, on fera les actus de la semaine en attendant un petit James Blunt Cold. James Blunt, Cold. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous nous écoutez à la radio? Vous appréciez? Pierre-Nicolas vous manque? Retrouvez-le en live sur Facebook. J'adore ce jingle, merci beaucoup Anaël. Eh oui, Pierre-Nicolas est mort, il vous manque. Il vous manque, hein. On retourne vers notre invité Pascal Dessin qui est avec nous ce soir. Et je laisse la place à Pierre qui a... Bah oui, non, on a abordé encore beaucoup de sujets graves. Alors on pourrait aborder avec un peu de sourire. Allez. Un sujet qui est grave, mais qu'on peut aborder autrement, c'est Greta Thunberg. Ah oui. Je connais un peu Pascal, je sais que, alors, comme moi, il y a un truc qu'il ne comprend pas, c'est la détestation qu'elle suscite parfois. Oui, oui, et puis je pense que c'est facile d'avoir quelqu'un sur qui, voilà, une manière de nier tous les engagements par ailleurs, tous ceux qui depuis plusieurs décennies alertent justement, sont là pour travailler sur le terrain, les associations. Tout récemment, là, j'ai vu des images de l'INA nous montrant sur un plateau de télévision Haroun Taziev. Ah oui. Il faisait la démonstration. Avec Cousteau. Exactement. Oui, oui, oui. Et il faisait la démonstration, il y a de cela 40 ans. Hein. Oui, 40 ans, hein, c'est ça. Il faisait la démonstration qu'au point où on en était déjà à l'époque, avec l'industrialisation, la pollution, on irait vers le chaos et vers un point de non-retour pour l'humanité. Il y a 40 ans, on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, finalement, Greta Thunberg dit exactement la même chose, avec en plus cette menace. Je vais plagier un président, la maison brûle, quoi. C'est sûr que, et là cet été on le sait, ça brûle de toutes parts, et si vous faites l'accumulation des choses, vous pouvez pas nier l'évidence que l'humanité est en train de vivre une sorte de suicide collectif, quoi. Jakarta va être déménagé à Bornéo, qui brûle, et on peut supposer qu'il y a des raisons. Java et tout, on voilà, l'Afrique brûle, l'Indonésie, la Sibérie a brûlé cet été, l'Amazonie. Alors qu'est-ce qu'on veut à cette fille? C'est une manière un peu dégueulasse de nier les réalités du moment, quoi. Alors pour faire plaisir à ses opposants et pour leur casser un peu les pieds, on va écouter. Alors c'est assez rigolo, c'est son discours qu'elle a prononcé à l'ONU, qui a été remixé et remis en musique façon Anne Clark. Anne Clark, c'était une artiste électro du début des années 80. Elle avait fait un titre qui s'appelait Our Darkness. Et l'auteur de ce clip, alors je ne sais pas qui c'est, l'auteur du clip qu'on va entendre, de la musique qu'on va entendre, s'est fortement inspiré de cette artiste, Anne Clark. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. On the other side of the ocean. You all come to us young people. For hope. For hope. How dare you? We are in the beginning. Donc on vient d'entendre le mix par. Alors je sais oui, pas par la personne je ne sais qui a mixé, pas, c'est un mystère. J'ai cherché, musique, j'ai pas trouvé qui est l'auteur. C'est très inspiré d'une musique de Anne Clark. Donc si vous voulez le voir sur internet, vous tapez Anne Clark, Greta Thunberg, voilà. Et vous allez tomber sur ce titre qui fait 5 minutes quelque chose. Et un autre, c'est très très bien fait, très très bien fait. Et bien on passe à la suite avec un deuxième mix de Greta Thunberg qu'on a aussi entendu. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Et alors, ce qui est amusant, c'est que là, on vient d'entendre un deuxième mix. J'ai cherché sur Internet, il y en a au moins une dizaine. Alors, il y en a un qui est très, très drôle. C'en est un façon death metal. Death metal. Alors, ils lui ont fait une voix. Ils ont changé la voix. Ils ont truqué la voix. Et tu l'entends, la Greta qui dit « Right here, right now, right here, right now ». C'est très amusant. Voilà, ben, Greta qui... oui. Voilà. J'ai américaine des années 90. Voilà. Ouais. J'entends des applaudissements derrière. Non, ah, on va passer à la playlist de Pierre. Il est... Oui, Cédric. Attends. Il suffit de demander. Ah. Je vous rappelle que le technicien est à l'heure. My message is that we'll be watching you. Ah bah c'est un bonus qu'il nous fait. Merci. Tout ça est joyeux, c'est bien. Tout ça est très joyeux, oui. Ouais, absolument. Eh bien, allez, on passe à la suite avec la playlist de Pierre Nicolas, tout de suite. Vous nous écoutez à la radio ? Vous appréciez ? Pierre Nicolas vous manque ? Retrouvez-le en live sur Facebook. Je ne m'en lasse pas. Alors, la playlist de la semaine, elle est consacrée au livre de Pascal Dessin, parce que pratiquement tout ce qu'on va entendre maintenant, soit on le trouve dans le livre, soit on le trouve dans la mémoire de Pascal. Et tout d'abord, ce premier titre. Voilà, les roubettes, c'est évidemment Sugar Baby Love. Pascal, il va falloir s'expliquer maintenant. Vous avez 8 ans quand cette chose sort sur les ondes. C'est 74 10 ans. Ah, 10 ans, ouais. 10 ans, ouais. On n'entend que ça à l'époque. Ouais, 74, ouais, 73. Oui, j'ai encore rêvé d'elle, enfin tout ça là. Pourquoi c'est dans le livre? Ben, parce que j'ai rien inventé. Pendant ce championnat du monde de décortiquage de crevettes grises que je narre dans le roman, ça s'est terminé sur un concert des roubettes. Vous savez qu'ils existent. Ça ne s'invente pas. Ils oui, toujours, mais toujours. Hein, toujours avec le costume blanc, la casquette qui sert à cacher la calvitie déjà à l'époque. Et le groupe est au complet. Ouais, ouais. Et ça fait énormément plaisir aux gens quand ils incroyable. Ils font des tournées internationales. Bon, second titre. Alors celui-là, vous me l'avez demandé. Il n'est pas dans le. Cette chanson-là n'est pas dans le livre. En revanche, l'artiste, j'y reviendrai après, est dans le livre. C'est Léo Ferré. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Pas facile à couper Léo Ferré. Quel chagrin de ma solitude. On hésite, vous rattrapez bien. Après Sugar Baby Love, ouais. Elle s'appelle comment cette chanson? C'est La mémoire et la mer, c'est la plus grande chanson de Léo Ferré. Ah oui? Tout à fait mystérieuse, d'une poésie incroyable. Moi, quand dès que je suis au bord de la mer, mais d'une mer de tempérament, hein, une mer qui a de l'humeur, j'ai cette chanson dans la tête tout le temps, La mémoire et la mer de Ferré. Alors, puisqu'on parle de Léo Ferré, j'ai dans les mains, alors est-ce qu'on le voit ici, oui, voilà. un album de Léo Ferré qui s'appelait Il n'y a plus rien. Et alors, je me suis amusé à constater que dans votre livre, L'horizon qui nous manque, pardon, il y a deux lignes où vous reprenez exactement mot pour mot le début de la face longue d'Il n'y a plus rien. Oui, mais de toute façon, moi je ne serais pas ce que je suis sans Ferré, sans quelques écrivains aussi qui m'ont construit émotionnellement parlant. Ferré, alors maintenant j'ai arrêté le jeu, mais il y a quelques années, dans chacun de mes livres, je glissais une phrase de Ferré comme voilà. Et, je l'ai cherché. Et là justement, il n'y a plus rien. Écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure. Voilà, Non, mais c'est un des plus grands poètes qu'on ait eu. Bon, il y en a un autre des plus grands poètes qu'on ait eu. Alors lui, il est cité 2-3 fois dans le bouquin. C'est l'ami Jean-Patrick Capdevielle. Et ça s'appelait O Chiquita. On l'adorait, Capdevielle. On peut lancer la chanson. On l'adorait parce qu'il avait des textes qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Écoutez. Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Il y a les pantins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Chiquita. Près des anges aveugles au coin de ta rue, y'a l'homme en gris qui dit rien. Eh oui, il y a l'homme en gris qui dit rien. Alors, on sait, 30 ans après, on se demande encore, mais de qui parlait-il ? L'homme en gris qui dit rien. Ouais. Il avait des fulgurances comme ça, Cap de Liel. C'était un drôle de. On se marrait bien avec le phénomène. Ouais. Ouais. Et quand il est arrivé, en même temps que Bachung, à peu près, hein, au début des années 80, enfin, Bachung était là avant, mais quand ils ont vraiment explosé tous les deux, lui, il sortait vraiment du désert. Hein, c'était vraiment un. Dans ses chansons, il parlait de vieux clowns sinistres, de pantins de l'apocalypse. Ouais, c'était. Des punchlines comme ça qui balançaient dans les chansons. Et donc j'ai trouvé intéressant que ce soit l'artiste préféré d'un de mes personnages, Loïc, qui est une sorte de Johnny du pauvre. Ouais, c'est un personnage très très limite, très très en lisière de tout. Allez, autre titre que vous avez demandé, c'est Dominique A. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Là, on a la raison pour laquelle vous avez choisi ce titre-là. Oui, puis j'ai mis en exergue une autre phrase de Dominica, d'une autre chanson qui dit. Il est en train de feuilleter dans le bouquin en même temps, pour s'en souvenir. Même en plein soleil, on est toujours loin du soleil. Je trouve cette phrase magnifique, magnifique. Ouais. Titre suivant, Mio Sec, la ville de Brest. Ouais. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade par ce qu'il en reste? Le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes. Même au beau milieu d'une averse. Dunkerque, Brest, il y a une filiation là entre les deux. Hein. Oui. Puis mieux c'est qu'on a pratiqué ensemble à une époque. Vous connaissez ? On sait, oui, un peu. Et on a fait quelques facéties toulousaines ensemble. Et c'est tout début, son premier album que j'écoutais avant même qu'il sorte. Il y avait des cassettes qui circulaient. Et dans cette chanson Brest, il y a la phrase d'exergue de mon précédent livre, Un homme doit mourir. Ouais. Doit-on toujours protéger l'espèce ? C'est une question. Alors il y a un dernier titre que vous m'avez demandé, c'est Bachung. Alors je me suis dit, oh super, super choix Bachung. Ouais. En plus ça fait 10 ans je crois aujourd'hui qu'il nous a quitté le Bachung, il me semble. Ouais. Ah oui, ouais. On doit être la veille ou le lendemain des 10 ans de la disparition de Bachung. Et vous m'avez dit, ah ouais, ce serait bien de mettre Les Immortels. Je me dis, mais pourquoi il a choisi ce titre-là ? Et j'ai compris, c'est une chanson de Dominica. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Elle est émouvante cette chanson, Les Immortels. En fait, il est décédé, si j'ai bien compris. Il était en train de l'enregistrer et le travail, les finitions n'étaient pas terminées. La chanson n'était pas encore enveloppée, finie. Et on l'a comme ça aujourd'hui. Mais elle n'avait pas pu sortir puisqu'il est mort avant la sortie du dernier album. Oui, ça fait partie de nombreuses chansons qu'il avait enregistrées à toute fin utile. Et alors, on a attendu 10 ans pour avoir un album qui est tout à fait somptueux. Hein. L'album posthume de Bachung, il est magnifique. Et c'est marrant la carrière de ce garçon parce qu'il a commencé comme... rocker entre guillemets, avec des petits poèmes rock, des petites choses comme ça, et puis il termine mais comme un dieu de la chanson française quoi. On n'a pas fini de le regretter. On en remet quelques secondes. Jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières? Et écrire, c'est encore une belle façon d'être immortel, parce que ça reste. Merci beaucoup Pierre. C'était la playlist de Pierre. On passe à la suite. Plutôt celle de Pascal. Oui, celle d'ailleurs. De Pascal. Ouais, bah ouais. On passe à la suite. Il y est pour beaucoup. À l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. Jingle. Je crois. Est-ce qu'il y a un jingle ? 18h, 20h, c'est Fausse Le Dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et tu me diras en même temps, vu la musique de dépressif que vous passez, même le technicien, il finit dépressif. On passe à la suite avec. Alors, on va parler santé avec Clément Pêche. On parle santé de. Ah non, d'abord. Oui, peut-être d'abord, on a quelqu'un au téléphone. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour. Et bonjour, c'est Ginger. C'est Ginger. Oui. Alors, comment ça va? Mais ça va pas trop, je fais des vomis. Tu fais des vomis? Ah bon, la semaine dernière c'était les proutes, maintenant c'est les vomis. Tu fais des vomis? Bah oui, mais les proutes sur le plateau, je peux. Les vomis, c'est plus compliqué dans le micro. Bon, tu seras Je vous fais tous des gros bisous et puis j'ai hâte de revenir la semaine prochaine. Eh ben, tu seras avec nous la semaine prochaine, on te fait des gros poutous. Et est-ce que je peux gagner une place de cinéma? Bien sûr, bien sûr. Mais oui, il y a plein de bons films en plus en ce moment. Bah oui, je vais aller voir le Joker. Ah, parfait. Ah, bon choix. Bon, si on allait tous le voir ensemble, le Joker. Franchement, on se fait une sortie ciné tous. Là, on va tous le voir. Ça. Ah, grave, j'ai vu la bande-annonce, c'est une tuerie. Et non, manque de chance, seule place de cinéma qui reste est pour le dernier film de Bernard-Henri Lévy. C'est vachement bien. Voilà. Bon, tant pis alors. On te fait des gros bisous, sois-toi bien. Oui, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on reste dans le domaine de la santé, mais cette fois des rugbymen, Clément. Oui, les amis, parce que moi j'avais envie de parler médecine du sport, puisque nous avons eu quand même deux urgentistes, et qu'en plus, figurez-vous que la Coupe du Monde de rugby se déroule en ce moment au Japon. Mmh. Pour ceux qui ne suivent pas, je resterai indulgent avec eux, aux innocents les mains pleines, comme disait l'autre. Jusqu'ici, la France s'est imposée contre l'Argentine et contre les États-Unis. Prochain adversaire des Bleus, le Tonga, le 6 octobre à 9h45, heure de Toulouse. Et en attendant le plus gros morceau, à savoir l'Angleterre, que la France affrontera le 12 octobre. Mine de rien, c'est un sacré rythme qui est imposé aux joueurs engagés dans cette compétition, puisque ça nous fera une moyenne d'une rencontre tous les 3 jours, quand ces derniers sont habitués à une rencontre par semaine. Le rythme du top 14 et les compétitions européennes, bien que déjà élevées, sont sans commune mesure avec le niveau international où l'endurance, la résistance au choc et aussi la vista, cette qualité qui permet d'avoir 2 ou 3 coups d'avance pour les demi de mêlée, sont encore plus de mise. Les joueurs français ont subi une préparation intense pour ce mondial. Excusez-moi. Aristide Barrault, ancien rugbyman du Stade français, s'est inquiété de la santé de ses camarades de jeu au point de craindre le karoshi ou mort dû à l'épuisement au travail, phénomène hélas courant chez nos amis nippons. Pourtant, le chroniqueur occasionnel au Monde écrit ainsi en conclusion: on fabrique la légende dans la sueur et grâce aux victoires, les souffrances physiques sont facilement amorties. Certains exploits méritent de frôler le karoshi. Mouais! Sauf que j'aimerais rappeler à notre plumitif du dimanche qu'il y en a un qui n'a pas cherché à éviter le combat et qui y a laissé des plumes. Je veux parler du rugbyman ivoirien Max Brito, le jeune ailier qui évolue autrefois à Biscarros dans les Landes et qui s'est retrouvé tétraplégique à la suite d'une blessure grave lors d'un match de la Coupe du Monde de 1995 quand son pays affrontait le Tonga. Il ne peut plus se déplacer en fauteuil roulant, tant et si bien qu'en Côte d'Ivoire, le rugby a considérablement reculé. Si entre 1980 et 1995, l'Ovalie a connu un développement fulgurant, la blessure de Max Brito a été un véritable coup d'arrêt. Résultat, la jeunesse s'oriente plus volontiers vers le football. Et puisqu'on parle de 1995, année de la victoire des Springboks en Coupe du Monde pour leur grand retour parmi les nations du rugby, hein, parce que je vous rappelle que l'Afrique du Sud a été exclue des compétitions internationales en raison du régime d'apartheid, bien figurez-vous que un à un, les membres de cette Dream Team qui avaient ramené la coupe à la maison, comme dirait l'autre, se sont éteints à quelques années d'intervalle, le dernier en date étant l'ailier Chester Williams, mort le mois dernier à la suite d'une crise cardiaque. D'autant plus qu'on n'a plus besoin non plus d'aller chercher si loin dans le temps et dans l'espace pour trouver des exemples plus locaux de joueurs de rugby victimes d'accidents parfois fatals. L'exemple le plus récent est celui de ce pilier montalbanais de 22 ans qui, victime d'un AVC au mois de mars, s'apprête à retrouver les terrains avec la bénédiction des médecins de la Ligue. Va-t-on retrouver son nom dans les colonnes de la Dépêche pour de mauvaises raisons, comme Pierre Launay, ce jeune rugbyman de Marmande, victime à 15 ans, j'ai dit bien à 15 ans, d'un malaise cardiaque? Le résultat est le même... Le résultat est le même que pour les jeunes Ivoiriens. Le rugby est de plus en plus boudé et le nombre de licences chute. Et heureusement pour la FFR, ce sont les adhésions, des féminines qui font grimper la moyenne. Lors d'une de mes pérégrinations dominicales, parce que je sors des fois, figurez-vous. Ah, le dimanche, voilà. Je suis mignon. Oui, le dimanche, des fois, je sors. Je prends c'est, le... c'est après la messe. Dominique. Après la messe, exactement. Après la messe, après mon petit gâteau que j'ai acheté à la sortie. Oui. Je suis tombé par hasard sur une personne proche de la FFR qui n'a pu que constater les dégâts. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Le fait que peut-être, avec le rugby professionnel, les joueurs se sont transformés en autobus. Autrefois, le rugby est un sport ouvert à toutes les physionomies et à toutes les tailles. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, un jeune sorti d'un centre de formation et qui veut se lancer devra subir la concurrence de joueurs recrutés à prix d'or. Autrefois, quand un jeune voulait se lancer dans le rugby, il voyait évoluer des joueurs prenables, m'a expliqué ma source proche du dossier lorsque nous nous promenâmes donc le dimanche à Toulouse. Aujourd'hui, quand un jeune voit les joueurs actuels et leur masse musculaire, il renonce aussi sec. Je ne sais pas comment vont se dérouler les prochaines élections de la à la présidence de la FFR, mais à mon avis, les amis, il va y avoir de l'ambiance. Tout ça pour dire que le rugby, pour moi, doit rester un sport de combat, certes, mais dans lequel on se donne sans compter pour ses coéquipiers et pour soi. Mais le rugby doit rester un sport aussi d'agilité, d'évitement et surtout de malice et l'intelligence. Mais par pitié, que l'on n'en fasse pas un sport pour bœuf aux hormones. Eh ben... C'est bien. Et voilà, et on souhaite... Ah, bon courage du coup pour la Coupe du Monde de rugby. On en est où là? Parce que moi j'ai pas trop suivi. Je sais qu'on est en train de quand même s'en sortir un peu pour l'instant. Comme je l'ai dit en début de papier, si tu m'écoutais. Victoire contre l'Argentine et contre les États-Unis. Prochain adversaire, le Tonga, le 6 octobre. Merci. À 9h45. Très bien, eh bien nous y serons. On passe. On va la télé. À la suite, jingle. Jingle. Jingle, s'il vous plaît. Vous aimez Faut se le dire à la radio, vous nous adorerez en live sur Facebook. On va passer aux actualités de la semaine, parce qu'il y en a eu, Guillaume Panetti. Il y en a eu, exactement. Donc je vais vous retracer l'essentiel de l'actualité toulousaine. Alors on va commencer par exemple par Jacques Chirac. Le maire de Toulouse va rendre hommage à Jacques Chirac en baptisant une rue à son nom. Le 18 octobre prochain, Jean-Luc Moudin proposera au conseil municipal de renommer le boulevard des Crêtes en avenue Jacques Chirac, sous réserve de l'accord de la famille. Alors d'autres lieux de la ville saluent déjà la mémoire d'anciens présidents français, comme le square Charles de Gaulle, l'Esplanade François Mitterrand ou encore le pont Pompidou. Alors, comment trouvez-vous cette actu en renommant? Ah bah c'est pas une petite rue, hein, le boulevard des Crêtes, dis donc. Belle info. Ouais, c'est plus cohérent que Johnny Hallyday pour le Zénith, mais oui, Cédric. Non, mais non, j'allais dire le pont Pompidou, c'est pas mal, ça rend hommage. Oui, ça rappelle Marilyn. Marilyn Monroe. Après, est-ce que la famille du boulevard des Crêtes va être d'accord pour qu'on le renomme Jacques Chirac? Jean-Pierre Descrêtes, le célèbre. Ça va compliquer la vie de tout le monde. Ouais, ça va être compliqué. Et moi, ça me dérange parce que dans mon roman Du bruit sous le silence, j'ai un de mes personnages rugbyman qui vit boulevard des Crêtes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors ensuite. Autre actu, donc aujourd'hui c'est la journée de colère dans les écoles, donc la grève lancée justement a mobilisé environ aujourd'hui 40% des enseignants d'Haute-Garonne selon un syndicat. 500 enseignants ont été également manifestés cet après-midi devant le rectorat de Toulouse. Justement, on en parlait juste précédemment, le suicide d'une directrice d'école en Seine-Saint-Denis semble être l'élément déclencheur de cette révolte, un drame qui pour eux est révélateur de la dégradation de leurs conditions de travail. Autre affaire, les images avaient été diffusées par la CGT avec des élèves bloqués, attachés pendant plus d'une heure dans un amphithéâtre recouvert de mousse à raser et pâté pour animaux. C'était l'année dernière. C'était l'affaire du bizutage de 250 élèves de l'école infirmier à Toulouse qui vient d'être classée sans suite aujourd'hui par le parquet et qui indique qu'aucune plainte n'a été déposée dans cette affaire qui remonte jusqu'au moment à l'année dernière et que les auditions n'ont pas permis de relever des comportements dégradants suite à la diffusion des images. La direction du CHU de Toulouse avait diligenté une enquête interne. Avec les bizutages, hein, c'est que des conneries, c'est ça. Il faut y arrêter avec ça. Rangez les plumes, s'il vous plaît. Rangez les plumes. C'est pas pour tout de suite, Pierre. Sport, il y aura bien des matchs de la Coupe du Monde de rugby à Toulouse pour le Mondial 2023. Le stadium devrait accueillir 4 rencontres, annonce faite hier par le directeur général du comité d'organisation. C'est cool, le Mondial à Toulouse. On va essayer de faire, gagner des places. On essaiera de faire gagner des places. En 98, on avait eu des matchs, hein, ici. Je me rappelle, je m'étais retrouvé sur la place du Capitole pour commenter ça et tout. Ah. Avec des Anglais, tiens, voilà, je me rappelle qu'il y avait eu des Anglais. Et des Hollandais aussi. Ouais. Vendredi dernier, on va parler avion. Le premier Airbus A350 aux sorties des chaînes d'assemblage a été livré à Air France. C'est un avion de nouvelle génération, plus moderne et plus léger pour une consommation dite de carburant réduite. À cette occasion, du coup, la compagnie aérienne Air France a renoué avec la tradition de baptiser ses avions, justement. Après consultation de ses salariés, la compagnie française a choisi de mettre les villes françaises à l'honneur. Ainsi, ce premier Airbus A350 est baptisé, lui, symboliquement Toulouse, justement pour sa capitale de l'aéronautique par excellence. Toulouse est aussi le berceau de ce nouvel avion qui entre dans la flotte de la compagnie, a rappelé justement la présidente d'Air France, Anne-Marie Couderc. Voilà pour les quelques informations de la semaine ici à Toulouse beaucoup, et sa région. Merci beaucoup. Oui, non, je voyais Clément s'agiter à côté de moi, mais non, il n'y avait rien. Rien à dire sur les avions, non, on va passer à la suite du coup. Eh bien, on passe à la suite. Vous êtes à l'écoute de Fausse Le Dire, on est ensemble jusqu'à 20h. 18h, 20h, c'est Fausse Le Dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et alors, on va squeezer l'insolite de la semaine qu'on fera la semaine prochaine et le Gorafi, pas Gorafi, parce qu'il nous reste 9 minutes. On va la consacrer à notre invité. Oui, Cédric. Voilà, je fous un peu la merde, mais rien à dire sur les avions. Si, tiens, avion, Alex, Charles-Élie Couture. Ah, allez, tais-toi. Il y a un mauvais délire. Je devais interviewer Charles-Élie Couture. Ça s'est fait et le gars était. Ah bah ça, c'est un grand bonheur. Ça m'a plaisir. Buvable avec moi. Oui. Je l'ai fait il y a 25 ans. Ça s'est pas très bien passé non plus. Ah ouais, mais il peut tenir des propos extrêmement. Il peut tenir des propos extrêmement intelligents. Ouais, il est très intéressant. C'est très il peut parler d'autre chose que de musique et de bien d'autres choses que de musique. Mais il faut tomber sur un bon jour. C'est ça. Voilà, c'était un très mauvais. Je m'en rappelle très bien. Merci beaucoup, Cédric, pour ce souvenir. Allez, nous reste 8 minutes, on se retourne vers l'invité. Finalement, on fera les chroniques la semaine prochaine, comme ça me fera du boulot en moins. Voilà. Bon, on peut déjà dire une chose, il nous a dédicacé notre livre. Ah. Hein, pendant qu'on écoutait Guillaume. Alors, pour Pierre-Nicolas, ouais. L'horizon qui nous manque. Alors là, c'est moi l'horizon qui manque. Et, bon, et plus encore, il faut se le dire. Et pas qu'un peu, espérons, amitié, bisous, enfin bon, voilà. Pascal. Voilà. Et alors, il y a quelque chose d'assez drôle, ouais. C'est que dans un livre qu'il m'avait déjà dédicacé en 2015, vous allez voir, c'est amusant pour moi, ouais. Janvier 2015, à Pierre-Nicolas, l'avenir est plus sombre, je le crains. Bonne balade. 6 mois après, j'étais licencié. Je suis devin. Donc, les numéros du voilà. Loto, vous avez dit. Et alors, pourquoi alors... Les numéros du loto, 40, 59, 62, 70, 90, 35. C'est beaucoup, Anaël. On a une autre chroniqueuse qui n'est pas avec nous, ouais. Bien sûr, qui est dans le Var, c'est ma maman, qui s'intéresse du coup à vos œuvres, qui aimerait un petit peu savoir quelques titres. Moi, on parlait rugby justement, Un homme doit mourir par exemple, qui est ouais. L'histoire d'un rugbyman qui se fait... Non, du bruit sous le silence. Un homme doit mourir, c'est autre chose, c'est au-dessus. Un bruit sous le silence, c'était en février 97, Maurice Tamborero, demi de mêlée de Racing Club toulousain, est abattu d'une balle en plein cœur. Oui. Donc ça remonte. Ça remonte. Attendez, en 97, ça remonte. Je suis de 91. Ça remonte. Voilà, vous pouvez nous faire un peu l'histoire. Voilà, parce qu'on, pourquoi ah bah c'est un, ça, pourquoi... Celui-là, c'est un pur polar. Ouais. Il y a le meurtre d'un demi de mêlée à Toulouse, à une époque où Toulouse est vraiment glorieuse. Hein. Mm-hmm. La ville enchaîne les titres. Et puis, il y a une enquête qui est menée entre à l'époque, on disait encore commissaire-inspecteur. Hein. C'est avant le passage au professionnalisme pour le rugby. Et puis, c'est juste avant le changement des grades dans la police. Et donc, voilà, c'est deux enquêteurs. Il y en a un qui a pratiqué, l'autre pas, justement, puisqu'il vient du Nord et il n'y comprend rien. Et ça sera une manière de faire découvrir la ville. Et c'est peut-être mon roman le plus toulousain. Ouais. Il y en aura d'autres sur Toulouse, oui. Ouais. Vous avez mis du vôtre dans ce roman, quoi. Complètement. Oui. Vous mettez combien de temps à écrire un roman? Parce que, alors, il y a notre Toulousain, moi je l'aime bien, c'est Jean-Paul Dubois. Mm-hmm. Il a beaucoup de succès. Et puis un jour, il est allé raconter, mais très sérieusement, qu'il mettait exactement 31 jours pour écrire un roman. Qui faisait ça donc au mois de mars, parce qu'il était sûr d'avoir ses 31 jours, etc. Bon, il l'a dit un peu en rigolant, il y a des gens qui l'ont mal pris. Ah oui, qui n'ont pas aimé. Ah oh, mais ils se foulent pas beaucoup, genre, vous savez. Voilà. Vous mettez combien de temps, vous, pour écrire? Ben, ça dépend. Je suis un processus lent, moi. Ouais, et vous êtes un besogneux. Oui, et puis je suis anxio-dépressif. Donc du coup, je me pose des tas de questions que je ne devrais pas me poser, sans doute. Mais en général, j'écris un chapitre par semaine. Donc vous comptez le temps que ça m'a pris quand, au nombre de chapitres qu'il y a dans un roman. Voilà, et j'ai la question Jacques Chancel aussi de l'émission. Comment Pascal Dessin est-il devenu Pascal Dessin? Ah bah, à force de comment dirais-je, d'obstination et un petit peu de démence quand même. Il faut être un peu fou pour essayer, pour devenir écrivain. Ouais. Clément, c'est l'album de la maturité. Il y a ça aussi. Ouais. Et pourquoi des romans noirs précisément? Ben, pas parce que le monde c'est est une, ben voilà, c'est une évidence. Ouais. Hein. Mais c'est ce que disait Victor Hugo, parce que et à l'époque on lui reprochait la noirceur de ses livres et il disait mais je n'ai pas d'autre choix que le choix du noir. Mmh. Et voilà, je veux dire les créateurs, qu'ils soient écrivains, cinéastes, se doivent d'être témoins de l'époque, et l'époque n'est pas très très gaie. Hein. Ouais. En vous écoutant tout à l'heure, je me disais il doit avoir Zola dans son panthéon à lui personnel. Oui, très d'ailleurs je viens de me relire l'ensemble des Rougon-Macquart, et c'est d'une modernité incroyable. Les correspondances entre le 19e de la 5e République notamment, et de l'Empire, et de notre époque à nous, en dehors des menaces écologiques qui n'existent pas alors, c'est souvent très très troublant. Mmh. Cédric ? Alors, vu qu'on en est à poser une question, Pascal Dessin, au niveau littérature justement un peu polar, plutôt Agatha Christie ou plutôt Frédéric Dard? Ah bah plutôt Frédéric Dard, c'est sûr. Mais beaucoup de romans noirs français surtout. Ouais. Ils vivent en même temps que moi. Didier Deninxe, Marin. Alors lui, je l'adore. Voilà, tiens, Marin Le Dain aujourd'hui, Romain Slocombe, Marcus Malt, des gens qui ont un univers très personnel et un style incroyable. Il y a le roman noir français est beaucoup. Est très riche actuellement, malheureusement pas aussi bien estimé que d'autres littératures noires parce que c'est moins sexy, on va dire. Mmh. On serait nordique ou islandais, ça irait mieux peut-être, mais bon. non, mais j'adore la littérature islandaise, hein, c'est pas la question. Seulement, on bénéficie pas de certains égards. Et alors, un homme doit mourir, justement. J'étais trompé dans le titre, ouais. Parce que je lisais la ligne en dessous. C'est le précédent. Donc, la fiction à la réalité, quand même, parce que c'est l'histoire de Boris, naturaliste, qui est expert auprès des industriels et qui veut installer des projets controversés dans certains territoires. Il s'arrange pour que ses rapports soient toujours favorables. Ben oui, on est en plein dans l'actualité. On est là dans Un homme doit mourir. On est au début d'une ZAD dans les Landes, que j'ai situé dans les Landes, ouais. Avant de savoir qu'il y en aurait une. Peut-être bientôt. Mmh. Et donc, c'est toute l'ambiguïté. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. C'est toujours assez compliqué. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand il y a un projet, il y a nécessité, enfin obligation d'expertise. Après, les expertises, on en fait parfois ce qu'on veut. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Dessin. On arrive à la fin de l'émission. Voilà, elle est passée vite aussi. On n'a pas eu le temps de tout faire, mais on a été ravis de vous recevoir. Moi aussi, de parler, je suis régalé. En plus de vos œuvres, de tout ça avec vous. Merci beaucoup, Pierre. Ben, avec plaisir. J'ai oublié ma rhinopharyngite. Ah, ben voilà. Tu as entendu tousser parfois. Puis, mais... Il fait tellement chaud, là. Ça va, vous? Ça va, oui. Tout va ça bien. Va, ouais, vous encaissez bien encore. Ouais. Scène du nez. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces actualités de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Fidèle au poste. Bien sûr. Merci, Clément. Merci. T'es là. Merci, Cédric. Merci, Anaël, bien évidemment. Ah non, mais nous, on n'était pas là, en fait. Depuis tout à l'heure, on est à l'apéro. Ah, d'accord, eh bien, écoutez, on va vous rejoindre. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà un invité, ça sera Mister France Midi Toulousain qui sera avec nous, voilà, qui habite pas trop loin de la radio, donc il veut assister à toute l'émission. Donc voilà, et puis la suite, vous serez au courant durant la semaine. Moi, je vous dis rendez-vous demain matin pour Good Morning Occitanie, le best-of à partir de 7h. Je vous fais de gros bisous, ciao. On va juste préciser avec une très bonne interview sur un truc qu'il ne faut pas rater ce week-end. Voilà, ce week-end, on y sera. Voilà, Mess la Punky Reggae Party. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la page de la matinale.